bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Girondins Analysés RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble pendant 1h30 de 20h à 21h30 comme tous les lundis, tous les vendredis, pour débriefer l'actualité des Girondins de Bordeaux. Et ce soir, nous allons aborder ce qui nous attend jeudi à 20h, je sais même pas quelle heure c'est, tiens, 19h, parfait, merci Rémi. Bordeaux ira jouer à Mariupol en Ukraine face à Mariupol. Et non, justement, c'est à Odessa. Le match. Oui, parce qu'ils sont en Crimée, je crois, une histoire de terrain. Génial, Crimée, quoi. C'est un peu Bordeaux ira donc chercher une partie de sa qualif à Odessa, donc face à Mariupol. Jeudi soir, on va évidemment briefer ce match dans la première demi-heure de l'émission. On aura un invité au téléphone, un membre du site Footballski qu'on a eu quelques fois déjà dans cette émission. Qui attends Adrien, calme-toi mon petit, ça va arriver. Il y a de la concurrence ce soir. Qui voilà, footballski.fr, donc site spécialisé dans tout ce qui est football, on va dire pays de l'Est et ski. Oui, bien, j'aime beaucoup, bien, très bonne entrée. Et puis on aura... rouge marche. Bah attends, je sais pas, je l'ai pas encore. Alors, on va faire un truc. Vas-y, dis quelque chose, Adrien. Alors, tu m'entends? Non, il marche pas. Voilà, ça c'est fait. J'ai fait des vannes, mais non, mais c'est chiant. Personne m'a entendu. C'est relou. C'était la seule bonne. Football Ski, donc un site spécialisé en football et en ski. Merci Adrien. Grosse partie mercato dans la deuxième, le deuxième tiers de l'émission. On a plusieurs dossiers à traiter puisque ça y est, enfin. Un joueur a signé au FC GB, c'est Samuel Kalou, le joueur de la Gantoise qui s'est engagé pour 5 ans. On va évidemment revenir et on va venir évidemment sur les joueurs qui ont prolongé, qui ont eu des contrats pro, c'est-à-dire Jules Koundé et c'est Yacine ou il y a Benraou. Yacine, oui, je crois. Benraou. Et sur les deux rumeurs du jour, alors la rumeur la plus récente de cet après-midi, c'est le croix de Basic, et la rumeur Pedro, la piste Pedro, qui aurait été relancée par les Girondins, jugée trop chère dans un premier temps. Bordeaux aurait voilà, fait une offre assez, on va dire, conséquente pour s'attirer les faveurs du joueur. Il est quoi, brésilien? Oui. Brésilien. Oui. Avec moi autour de la table ce soir, il y a Adrien avec un micro qui marche. Bonsoir. Salut mon petit, comment ça va? Ça va bien, j'espère que les spectateurs vont bien aussi. T'as pris tout à fait. T'as pris ta crème solaire et ton petit chapeau cet après-midi parce qu'il a fait 40 degrés. Ça tabasse. Et non, je n'ai pas pris, malheureusement. Voilà. Le cancer me guette. Voilà, tu comprends. Voilà, ça c'est fait. Donc il avait fait une blague drôle, c'est bien. Oui, ça. Non, mais c'était bien, c'était pas mal. Il a atteint son quota. T'es sûr? Il a. Enzo, salut, comment ça va, Enzo? Ouais, ça va. C'était bien le bassin cet après-midi, il a fait beau? Non, mais tu sais, je bosse depuis 6h30 ce matin, donc. T'as pas eu trop chaud? Si, un peu. Si derrière les fourneaux, c'est un peu chaud. Ça va dérouiller quand même. Vraiment, derrière les friteuses, la paella et tout, je t'assure. Ah, c'est bon ça, c'est bon. Tu vas bosser en short, en slip, je sais pas. Je bosse déjà en short, mais je t'assure que ma fente quand même, elle me sert de gouttière. Voilà, ben là on est pas mal, alors on va continuer. Jean-Marie Bigard va rentrer dans ce studio, oui, mais ça, voyez, sera parfait. Moi, ce qui me terrifie, c'est que je me dis, des trois là qui sont en train d'arriver, c'est pas vous les deux pires en fait, c'est celui qui arrive là derrière. Ça va, Marco? On lui a préparé le talent. Ça va, et vous? Alors, allons-y direct, alors une vanne, vas-y, allons-y. Non, j'en ai pas. Bon, Marc, bien, en forme, chaud patate, chaud bouillant, prêt. Les élèves ont dépassé le maître. Oui, ouais, ça va. Bon, méfiez-vous. Et le quatrième de la bande, c'est Rémi. Salut Rémi. Ça va. Comment ça va, mon grand? Il fait chaud, donc ça va. Il fait chaud. Et je, en petite dédicace, je te citerai une phrase bien connue de ce groupe mythique du rap qui est NTM. Je dirais, fais gaffe à ton dos, protège des abdos. Voilà. Magnifique. Il y a des problèmes de dos, le pauvre. Donc retiens bien ce conseil. Fais gaffe à ton dos, protège des abdos. Bref, messieurs, on accueille nos amis évidemment du chat. Ça commence à arriver petit à petit. Salut à vous. Bah, il y a Thomas Basic, enchanté. Welcome to Bordeaux. Bienvenue à toi. Je suis américain également. Chez Seb, il y a Cip, la tribune God, le fidèle Cip. Salut à toi. Voilà, il y a plein de gens. C'est en train d'arriver petit à petit. Vous pouvez nous joindre au 05 56 35 31 31. Pour participer en direct avec nous. Alors, si possible, si vous voyez qu'on parle transfert et que vous voulez parler transfert, vous nous appelez. Si on parle transfert et que vous voulez parler, par exemple, de Paul Beys ou de Mariupol, ben faites-le quand on en parle. Vous pouvez appeler. Par contre, ce qui risque de se passer, c'est que Adrien, qui est au standard, va vous poser la question de pourquoi vous voulez intervenir. Et en fonction du sujet, ben soit on vous dira, il prendra vos coordonnées, on vous enverra un message quand il faudra appeler, parce que forcément on peut pas vous appeler, hein, c'est compliqué. Et si ça concerne le sujet qu'on est en train de traiter, ben là, vous restez c'est directement. C'est une question de rythme de l'émission. On est en train de peaufiner nos techniques. Voilà, on essaye de s'améliorer jour en heure et on veut pas créer de blanc ou de sujet auquel on aurait déjà parlé. C'est lourd, évidemment. Si tu nous entends, Lolo Blanc. Tu es le bienvenu dans cette émission. Comment il dit tout le temps? C'est quoi son petit Je crois que bon. Soir. Voilà. D'ailleurs, à propos de gimmick, il faudra relancer notre ami à qui on lui souhaite. Notre ami Paganelli. Notre ami Paga. Alors, messieurs, j'ai fait le tour, j'ai fait le programme, j'ai fait le chat, j'ai fait les présentations. Est-ce qu'on peut déjà parler de l'émission de vendredi? Ah oui, alors c'est sûr. Ça peut être important. C'est sûr et certain, c'est carré, c'est validé. C'est ça, c'est normalement, c'est tout est bon. Après, on peut toujours s'attendre à un désistement de dernière minute, mais normalement, ça devrait bien passer. Mais nonobstant un désistement de dernière minute. Oui, j'ai placé nonobstant. Ouais, c'est bravo, bravo. Vendredi, normalement, émission, alors pas spéciale, mais émission, on va dire. Oui, donc, on en a pendant fait. Une heure et quart, on va parler de l'ultra et pendant un quart d'heure, on va parler du match. Voilà. Pour vous présenter, évidemment, la nouvelle saison, campagne d'abonnement. Pour leur demander leur avis sur les Américains. Sur ce qu'ils auront envie d'aborder, voilà, le rachat, le club. Sur leur campagne d'abonnement. Enfin, voilà, un petit peu tout, on fait ça, on avait fait ça, on avait fait quand l'an dernier? Quand il y avait des problèmes avec Nantes et Strasbourg et tout ça, là. Ouais. Donc voilà, là, on va faire un petit peu le point avant la saison pour faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé aussi à l'intersaison. Il y a aussi des petits problèmes, malheureusement, les suites de ce qu'on avait parlé la dernière fois. Donc voilà, on fera le point avec eux. Cyprien qui nous précise sur le chat, c'était pour les 30 ans face à l'OM. Complètement. Ouais, bien joué. Cyprien, il suit plus l'émission que nous, franchement. Mais c'est vrai. Mais tu sais que je sais pas si c'est le fait de participer à l'émission ou de ne pas l'écouter comme si tu n'écoutes pas les podcasts. Je te félicite pas. Moi, je le fais à chaque fois quand je vais travailler le matin. Mais tu sais pourquoi j'écoute pas les podcasts? Tu n'aimes pas ta voix. Quand j'écoute les podcasts, c'est pas que j'aime pas ma voix, c'est que je me reconnais pas. Mais c'est un truc de fou. Faites le test chez vous, enregistrez-vous sur votre smartphone ou un micro et réécoutez-vous. Et vous avez pas l'impression que c'est vous qui parlez, c'est un autre gars, il dit les mêmes mots que vous, mais c'est pas vous. C'est hyper bizarre. C'est parce que ta voix résonne dans ta tête. Mais une fois que tu te seras écouté 2-3 fois, après tu reconnais ta voix. Non, c'est toi qui m'avais dit que c'est une question d'oreille ou je sais pas quoi. Là. C'est parce que ça résonne dans ta tête. Ouais, c'est ça. Et s'il y avait que ça qui résonnait dans ma tête, ça serait pas un problème. C'est pas mal. Bien, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, juste avant de... On va pas se mentir, hein, on va gagner un peu de temps le temps que notre invité... voilà, parfait, timing de dingue. Juste pour... avant de passer avec Adrien du site Footballski, pour ceux qui sont abonnés, les enfants, le club a fait la même opération que pour comment s'appelait cette équipe contre qui on a joué au tour d'avant. Van Pils, c'est-à-dire que le match sera offert et donc l'entrée sera gratuite pour les abonnés à 15 balles la place face à Van Pils. Abonnez-vous, ça vaut plus le coup. Bien, messieurs, Le mec a payé déjà son match aller premier tour, second tour, et qui va se payer le troisième tour. Il est à la moitié de l'abonnement, quasiment. Ouais, c'est ça, c'est devient plus intéressant. C'est presque au prix de l'abonnement, donc à la limite, abonne-toi, ça te coûtera moins cher. Pedro, et au pire, quand il va pas, tu prêtes un pote. Merci Pedro, tu es bien aimable. Oui, au pire, si tu vas pas, écoute, prête un pote, ça lui fera plaisir. Messieurs, on va parler donc de notre adversaire de jeudi prochain, de ce jeudi. En deuxième tour de préliminaire, c'est ça, de qualification, c'est Adrien du site Footballski qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Adrien, d'avoir accepté notre invitation. On va essayer avec toi de découvrir un petit peu cette équipe de Mariupol. Donc, je rappelle pour les gens qui ne connaîtraient pas Footballski, on vous a eu déjà 3-4 fois dans l'émission. À chaque fois, en fait, qu'on recrute soit des joueurs qui viennent des pays de l'Est, soit dès qu'on joue des tours préliminaires comme ça à chaque fois. C'est ça. Donc, vous êtes spécialisé dans tout ce qu'on va dire, tout ce qui est football des pays de l'Est. Plus ou moins. Oui, le site en lui-même, c'est-à-dire football de l'Europe de l'Est, géographique, Europe centrale, Europe de l'Est, de l'Autriche au Kazakhstan. Oui, donc c'est assez vaste et c'est assez étendu. C'est toutes les équipes qu'on joue en tour préliminaire. C'est vrai qu'on s'en est fadé un paquet quand même ces derniers temps. C'est ça. Alors Adrien, pour nous c'est la meilleure période de l'année. C'est clair. C'est les tours préliminaires de Ligue des Champions, d'Europa League. Là c'est parce qu'après malheureusement les pauvres, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué dès que quoique si en phase de poule, il y en a quand même quelques-uns qui arrivent un peu. On couvre quand même des pays qui sont bien représentés en phase de poule. On arrive à avoir pas mal de clubs. C'est après que Russie. C'est oui, voilà, ouais. C'est après que ça devient un petit peu plus compliqué. Faut juste intégrer la Russie dans la liste, et c'est bon. Il y a pas si longtemps, il y avait quand même des clubs genre le Dynamo de Kiev, tout ça, qui arrivaient à me faire des petits parcours. Bon, ça, tu vois, ça sortait un peu des poules, ça faisait un huitième, un quart. Mais bon, après, des fois, malheureusement. On a eu du pro en finale récemment. Puis comme on couvre l'Autriche, on avait la Red Bull l'année passée en demi-finale. On arrive là avec les clubs russes, mais c'est pas varié comme programme. Ouais, c'est vrai que c'est vrai, oui, voilà, ça revient toujours autour un petit peu. Et ben là, justement, on va parler d'un club dont on va pas se mentir. Alors moi, je connaissais de nom, mais je t'avoue que footballistiquement, je ne sais absolument pas ce que ça vaut. C'est donc Mariupol, notre futur adversaire de jeudi prochain. Déjà, est-ce qu'en quelques mots, donc un club ukrainien, est-ce qu'en quelques mots, déjà, tu peux nous présenter ce club et voilà, juste pour planter un petit peu le décor, ce que ça vaut. Voilà, juste pour vous présenter. Le club en lui-même, c'est un club qui vient de remonter en première ligue, après être descendu suite au problème dans l'est de l'Ukraine. C'est un club historique du football soviétique, mais qui n'est pas très performant, et qui a passé quand même pas mal de temps dans les ligues ukrainiennes. Et c'est un club qui est depuis pas mal d'années, en fait, une sorte de réserve du Shakhtar Donetsk, tout simplement. Oui, ils ont normalement une alliance avec le club, d'après ce que j'ai vu. Oui. Ils se font prêter quelques joueurs. Quasiment tous les clubs aujourd'hui survivent en faisant prêter des joueurs du Shakhtar du Dynamo. Alors pour Mariupol, c'est le Shakhtar. C'est un club assez récent. Je vois que la fondation du club, c'est en 1960. Donc c'est un club qui a à peine une cinquantaine d'années. C'est un club jeune. Et qui effectivement est passé ces trois dernières années par des épreuves un petit peu compliquées, puisqu'en 2015, comme tu l'as dit, il y a la guerre, on en a tous entendu parler, la guerre du Donbass, pour ne pas la nommer, et donc le club a été renommé en 2017 le FK Mariupol. Et cette même année, donc, ils sont vainqueurs de la deuxième division, je crois comment ça s'appelle, deuxième division ukrainienne. Ils retrouvent l'élite. Donc, c'est un club qui finalement, ils sont remontés. Alors, on est quoi, la 2018, l'année dernière, et direct, boum, ils se retrouvent qualifiés pour un tour préliminaire d'Europa League. C'est un peu le problème du football ukrainien, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de club au niveau, à l'exception des deux gros que tout le monde connaît. Les clubs moyens ont sombré. Alors, Mariupol faisait une très mauvaise saison déjà l'année de la guerre, et ça n'a rien arrangé de pouvoir jouer à domicile. Et ils sont descendus. Le club est remonté. Le changement de nom est dû au fait qu'il portait le nom de l'usine, et cette usine portait un nom à référence communiste. Donc, le club a changé de nom. Donc, oui, ils sont cinquième, mais c'est un peu un cinquième par défaut. Hein. Regardez le troisième, le quatrième, le sixième. Le sixième était également un promu, qui a d'ailleurs redisparu. Ça ne veut pas dire grand chose, honnêtement. Hein. J'aime bien défendre les clubs de l'Est. Il y a quand même un résultat qui. Il faut peut-être quand même s'en méfier, parce qu'au tour d'avant, moi personnellement, quand j'ai vu Djurgardens face à Mariupol, je me suis dit, bon, au tour d'après, on prend Djurgardens. Et bien pas du tout. Pour moi, c'était quand même une mini surprise, on va dire. Et puis c'est une équipe qui, dans son effectif, à l'exception d'un Camerounais et d'un Macédonien, est exclusivement composée de joueurs ukrainiens. Oui, alors pour la composition de l'effectif, d'abord pour revenir, je ne dis pas qu'ils sont très très très très nuls. Je dis juste que c'est pas ce qu'on pourrait attendre d'un cinquième championnat d'Ukraine au niveau de vrai foot ukrainien. L'effectif est aussi d'Ukrainiens ou prêté par le Shakhtar, des jeunes mais pas que, ou d'anciens joueurs qui avaient évolué à Mariupol, qui étaient prêtés par le Shakhtar il y a 7-8 ans, et qui aujourd'hui, après avoir erré ou dans les petits clubs ukrainiens, ou avoir tenté leur chance dans les petits clubs à l'étranger en Europe de l'Est, sont revenus pour jouer à Mariupol, en fait, dans leur région de naissance. Quoi. Voilà, en plus des deux. Alors le Camerounais, j'ai vu qu'il était passé par la réserve de Monaco, honnêtement, je ne le connais pas. Par la branche. Là, il est arrivé de Gil Vicente. Voilà. Gil Vicente, en Espagne, je crois que c'est. Pas mal. Et le Macédonien, c'était un espoir du foot macédonien, l'Albanie de Macédoine, mais qui n'a pas forcément confirmé et qui est titulaire indiscutable dans l'équipe de Mario. Ils sont tous, à l'exception de trois joueurs, ils sont tous au minimum international. Soit espoir, soit U17, soit U19, soit U20. Enfin, ils sont tous dans une catégorie, voilà, de leur sélection. Alors évidemment, là, essentiellement ukrainien, même le Camerounais qui a 22 ans, Joachim Dawa, est international espoir camerounais. Enzo, t'avais une. Oui, moi j'avais une question. Du coup, Adrien, au vu de ce que tu nous dis à peu près sur cette équipe, est-ce que tu penses qu'on a vraiment des craintes à avoir, contre cette équipe? Après, on sait que l'année dernière, on a eu le problème avec Vidéoton. Mais est-ce que tu penses que si on joue vraiment, enfin si on joue notre jeu et qu'on est sérieux au match aller déjà chez eux, est-ce que tu penses qu'on peut avoir un problème ou pas? Alors honnêtement, je ne connais pas exactement le niveau de Bordeaux. Je vais prendre directement. Futur champion d'Europe. De toute façon, ce genre de club, c'est que si on joue sérieusement, on passe normalement en tant que club français. Donc là est le mot. Bordeaux est plus fort que Mariupol, mais Mariupol peut poser des problèmes à Bordeaux. Alors on est dans des phrases un peu bateau, et c'est un peu compliqué comme ça, parce que j'ai pas vu honnêtement leur match entre Bourgarden, parce que non, ça, mais... je me souviens pas l'année dernière. Ils se qualifient au tir au but, je crois. Vu comment ça se passe Bordeaux en ce moment, c'est-à-dire un recrutement qui est assez tardif, puisque notre première recrue du mercato ne sera pas qualifiée pour le match de jeudi. Quand on a encore le traumatisme Vidéoton, non, c'est pas une phrase bateau. N'importe qui est capable de gagner contre Bordeaux. L'année dernière, pour être on a vu ton collègue précis. Oui, déjà ton collègue nous a porté la poisse l'année dernière. Mais pour être surtout au niveau mercato, hein, parce que il nous avait dit Cafu, ça serait nul, ça a bien été nul. On l'a bien confirmé tout le long de la saison. C'est vrai qu'il avait vu juste. Mais en ce qui concerne Bordeaux, l'année dernière, on a été capable du meilleur comme du pire. C'est-à-dire qu'on a eu 5 périodes dans l'année. Sur 3 périodes, on est premier ou second du championnat. Sur les 2 autres périodes, on est dernier du championnat. Et quand on cumule, c'est-à-dire sur 19 matchs, on est premier du championnat. Sur 19, on est dernier. Donc on est capable d'alterner le meilleur comme le pire. Oui. Et j'ai pas l'impression réellement que cette année s'est changé. Donc c'est-à-dire que si les événements nous sont un peu contraires, un rouge, un coup de fatigue, un but contre soi, encore une connerie à la con, Bordeaux peut découpiller. Le seul avantage, c'est qu'on finit à la maison. Ça, par contre, c'est un vrai avantage qui n'avait pas été cas de Vidéoton, où je pense que si on avait fait match à l'extérieur en premier et match à domicile, je pense qu'on passait. Ça devait passer. Adrien, est-ce que tu connais un peu l'atmosphère qui règne dans ce club, au niveau des supporters et autres? Est-ce que c'est un terrain hostile pour jouer, ou est-ce que c'est assez alors, calme? Juste, excuse-moi, Adrien, juste avant que tu répondes, il faut quand même préciser que le match se jouera à Odessa. J'ai aucune idée de où est Odessa par rapport à Mariupol. Il faudra jouer sur une carte. Mais voilà, il n'y aura peut-être pas autant de ferveur et autant de... Non, il n'y aura quasiment pas de ferveur, je pense. Alors, bien entendu, l'UEFA ne laisse pas jouer à Mariupol, qui est quand même sur la ligne de front. Je ne sais pas si ça tire toujours, mais... Bon, n'importe quelle phrase peut être interprétée politiquement, mais en tout cas, c'était une cible des séparatistes et l'Ukraine la défend. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus... c'est un peu plus calme, mais ça fait partie de la région de Donetsk. Donc, c'est considéré comme trop dangereux pour l'UEFA, donc ils jouent à Odessa. Alors Odessa, c'est l'autre port d'Ukraine. Un vol d'oiseau, il y a peut-être 400 km. Les routes pour y aller sont pas forcément directes ni très belles, donc c'est quand même assez loin, on va dire. Donc je pense pas qu'il y aura de ferveur. Honnêtement, je n'ai pas regardé quelle était l'affluence quand ils ont joué Bourgarden, mais c'est pas un club qui est ultra soutenu en Ukraine en dehors de sa ville, donc je pense que ça sera quasiment vide à Odessa. Donc c'est sympa, ça. Au final, ça nous va bien. Vaut mieux ça qu'arriver dans un stade en fusion. Non, mais un match à 19h à la télé, ça fait penser. On va voir un Monaco-Bordeaux. En termes d'ambiance dans le stade, ça va être assez sympa. On va entendre les coachs, les joueurs. C'est bien. Surtout qu'on parle d'un stade moderne, il est plutôt assez grand. Ça va pas être un stade champêtre, Odessa. Hein. Oui, c'est un truc plus... Pas comme match aller. Non, pas comme au tour d'avant. Ah, là, c'était assez folklorique, Van Pils. Une dernière question, Enzo. Moi, j'ai une dernière question pour moi. Est-ce que tu penses, toi, Adrien, que les équipes françaises et européennes devraient plus se tourner vers les championnats comme l'Ukraine et autres pour les recrues? Parce qu'on voit souvent des clubs qui s'intéressent à des joueurs comme ça. Et nous, on va toujours, enfin, la plupart des équipes vont souvent voir vers le côté sud-américain et autres. Mais on va pas souvent vers le côté. Alors, en l'occurrence, on va peut-être faire signer un croate. Et voilà, mais la fois, on a quand même eu Laura Girl, Jovanovic, Gagic et autres. Mais c'est vrai que ça fait que quelques années qu'on va se tourner vers les pays de l'Est. Donc mais je sais pas ce que t'en penses. Moi, je le pense. Et puis, en écrivant sur Football Ski, je ne peux que le penser. Après, c'est vrai qu'on est souvent déçus. Moi, le club que je supporte en France, c'est pas forcément notre meilleur ami. On en fait très peu, mais dès qu'on en a, il n'est pas bon non plus. Donc, oui, il faut se tourner vers les pays de l'Est. Il y a beaucoup de talents. Et pourquoi ils marchent en Italie, ils marchent en Allemagne, ils marchent pas en France? C'est vrai qu'on va beaucoup... C'est la question, ces pays sont remplis de talents, mais il faut peut-être être implanté, avoir des bons recruteurs. Certains pays sont plus durs d'accès que d'autres. Justement, la Serbie, la Croatie, qui regorge de talents avec beaucoup de systèmes d'agents, de gros clubs, qui ont quand même de l'argent, c'est des pays peut-être un peu plus difficile d'accès que d'autres. Après, ça, je pense que c'est un débat qui peut prendre des heures. Hein. Alors la vraie dernière question, elle est là. Ouais, pour terminer, vu que vous en parlez sur footballski.fr, dont on invite les gens à aller lire la présentation que vous avez faite, tu peux nous dire un ou deux mots sur Thomas Bazic, qui est cité du côté de Bordeaux comme probable recrue attendue. Bah, vous me prenez vraiment au dépourvu. De court. Pas du tout un championnat de football, honnêtement. Ok. Donc, je préfère pas lire de l'étude. Mais donc, faut aller lire l'article sur Football Ski. Exactement. En plus, spécialiste croate et supporter de Bordeaux. Il y a pas mal de, notamment la finale, là, cette année, là, quand je suis sorti en ville, après la finale France-Croatie, j'ai croisé quelques, alors, était-ce des touristes ou était-ce des croates implantés à Bordeaux, je ne sais pas, mais j'ai croisé quelques supporters croates qui étaient quand même contents. Ils avaient perdu, mais ils étaient quand même contents. La famille de Certic. Ouais. Ouais, c'est clair. Voilà. Mais oui, c'est notre cadeau, ça, Adrien. Greg Certic, ces cadeaux, c'est pour nous. On vous le facture pas. Merci. Enfin, si, un peu quand même. Merci. Alors, je voulais particulièrement te remercier parce que t'es pas en France actuellement. On fait court. T'es dans un pays. Non, mais non, t'es dans un pays pas lointain, mais voilà. Donc, c'était pas simple. L'Albanie. Voilà. Donc, c'est vrai, c'est Tyrone Caster Bordeaux, mais c'est quand même beaucoup trop nul pour passer contre Benfica. Je me tâtais d'aller au match. Ah ben on peut aller avec un peu de chance, ça va le faire jeudi et puis oui non quand même, allez on va quand même les gars, donc merci vraiment Adrien d'avoir pris ces quelques minutes avec nous, de nous avoir permis de connaître un petit peu mieux ce club de Mariupol, et puis ben on va te souhaiter une bonne continuation. Le site c'est footballski.fr, vous avez je suppose un Twitter, un Facebook, enfin tout ce qui va bien. Footballski.fr, voilà. Enfin, Footballski.fr. Voilà. Voilà. Ouais, Twitter, Footballski sur Facebook, ça se trouve facilement aussi. Parfait, donc allez-y, c'est vraiment très bien. Enfin, on apprend plein de trucs sur tout ce qui est football des pays de l'Est et tout ça. Enfin, c'est hyper bien fait. Donc, ben, félicitations à toi, à tes collègues. Bonne continuation, Adrien. Et puis, ben, alors, je sais pas si t'es en vacances, merci. Mais bonne fin de vacances si t'es en vacances. En Albanie. Ah, d'accord, ok. Non, j'y suis pour le travail. Mais j'espère qu'elles sont jolies au moins. Oh oui, elles sont pas mal, les Albanaises, il paraît. Il paraît de ce qu'on m'a dit. De ce qu'on m'a dit. Oui, oui. Les rumeurs. Il fait son côté. Allez, merci beaucoup, Adrien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut, ciao. C'est toujours sympa. J'aime beaucoup ce site et j'aime beaucoup les gens qu'on a à chaque fois de Footballski, c'est souvent des gens très calés. Je vais vous partager sur les réseaux sociaux, ben, le Twitter d'Adrien et de Footballski aussi. Alors je pense pas que ce soit toujours les mêmes qu'on a. Non. En fait, chacun est spécialisé dans un pays ou autre. Après, j'ai eu un peu le seum parce que hier j'ai cherché quand même pour avoir un spécialiste sur la Belgique pour Arcalou. Et ben c'est le seul pays en fait qui font pas trop. Méfions-nous parce qu'au prochain tour, alors on en parlera tout à l'heure. Ça peut être très drôle. Il y a Gielonia Bialystok. Je pense qu'on va rappeler Footballski. C'est polonais. Tu veux quelque chose de drôle? Est-ce qu'on peut rappeler Footballski? C'est pas loin du lieu de naissance de Lechuk. Ça sent le but. Ghent, ça sent le but. C'est écrit. Ou alors il se pète, il se fait les croisés, mais c'est écrit. Alors rapidement les enfants, enfin rapidement, on va quand même parler un petit peu, puis je vais vous demander vos pronos aussi. Oui. Moi, je viens de voir le nombre de spectateurs qu'il y avait au match aller entre. Non, je ne dis rien. En fait, c'est un match retour. Merci. Je vais chercher pour essayer de trouver ça. Donc, messieurs, Mariupol, vous l'abordez comment après cette petite présentation par Adrien? Serein, pas serein? Oui, vas-y, Rémi, on t'a pas entendu. Oh, bah, franchement, serein. Serein, tranquille. Ouais, serein. Serein, bon, mais quand même. Inconnu, quand même, très inconnu. Ouais, voilà. Tu sais pas où tu joues, enfin, tu sais pas. Mais attention quand même à pas faire n'importe quoi. Ouais, ça peut être serein, mais bon, on verra bien. Mais bon, si à l'aller on travaille bien, puis on marque. Logiquement, au retour, ça va être tranquille. Si on veut se rendre la vie facile, on essaye de faire comme à Venpil, c'est-à-dire. Ouais, au moins 1-0. Au moins 1-0. Allez, même un nul, même un petit un partout. Puis au retour, en théorie, t'es censé faire le taf. Ouais, mais, voilà. mais. On sait jamais. Comme le dit Marc, depuis l'an dernier. Depuis Vidéoton. Et on n'est plus. Voilà. Depuis le fameux Vidéoton. Il y a beaucoup de choses qu'on pensait pas possible dans le football ces dernières années. Vidéoton, si on revient dessus, c'est le match non. que tu. Bah non, on va non. pas revenir dessus, Adrien, non, parce que c'est pas le sujet. Donc, Non, mais c'est le là, on a avantage de faire le match chez eux, le match aller chez eux, et le retour est chez nous. Donc, c'est comme le match du tour précédent, il faut être sérieux. Ouais, faut être sérieux, et puis. Moi, j'ai un souhait par rapport à la composition qui va changer. Je pense que mon souhait, c'est de voir Laborde en pointe plutôt. Voilà, vu que on est toujours dans cette logique de créer, d'avoir un groupe qui se marie bien et tout ça, voir peut-être Gaïc à droite aussi. Voilà, c'est on est dans cette phase où il faut se qualifier absolument. Mais il faut aussi arriver à trouver un groupe. Voilà. Oui, parce qu'on a vu que Levchuk à droite. C'est Levchuk pas, à droite alors c'est je veux bien que Poyet il est peut-être une dent contre Gaïc ou quoi, j'en sais rien, mais à un moment donné, mets les mecs à leur poste, quoi. Voilà. Non, mais voilà, il va. Parce que Papi Levchuk à droite, ça fait mal, quoi. C'est ça. Ouais, non, mais on s'en est sorti. Quand tu mets quelqu'un qui va. On s'en est sorti face à Ventspils, ok. On s'en sortira peut-être face à Mariupol, mais face à la Gantoise, je pense que ça risquera de couiner un petit peu, surtout si d'ici là, notre nouveau joueur. Kalou, qui va donc intégrer l'effectif côté droit, il va y avoir des automatismes à trouver avec soit Gaïc, soit alors Sabali, je sais pas quand est-ce qu'il est annoncé sur le retour. Monaco. Qui est le troisième match de championnat. Fin août, quoi. Donc entre temps, il y aura les deux matchs de Mariupol, il y aura le match de Strasbourg, il y a le match à Toulouse, il y aura peut-être même les deux matchs d'après. Ça fait presque encore 5-6 matchs à jouer sans ton arrière droit. Donc il va falloir, oui, que. Mais il va falloir être sérieux. On sait que la clé de Bordeaux, surtout sur ces matchs à l'extérieur et où ça joue des fois sur les détails, c'est cette solidité qu'il peut y avoir entre le milieu et la défense. Donc il faut ce milieu et cette défense solide pour trouver une attaque qui puisse s'exprimer complètement. Marc Enzo, sur le match, qui veut se lancer? Vas-y, commence. Allez. On verra toi. Bah, j'ai envie de dire, je sens bien. Après, enfin, je sens bien, c'est un bien grand mot. J'ai envie d'y croire, tu vois. Je me dis, on peut pas perdre cette équipe, pas deux ans d'affilée. Tu peux perdre 1-0 jeudi et puis te qualifier au match retour. Non, même, j'ai même pas envie de ça. À tout moment, tu peux te prendre un but et après pas être bien. Enfin, c'est, en fait, c'est, ouais, voilà, mais même nous, moi, je suis encore traumatisé de l'année dernière. On se dit, ça peut arriver à tout le monde. Et après, on se dit. À la différence que l'an dernier, je pense qu'on les a vraiment pris par-dessus la jambe. Mais en fait, maintenant, tu vois, genre, c'est tout con, mais t'as fait la connerie, donc maintenant tu le sais et t'as pas envie de la refaire. Dans quelques années. Parce que tu la referas plus tard. Ça nous retombera sur le coin de la tronche. Après, on dit ça, il y a bien le PSG qui s'est fait éliminer aussi en Ligue des Champions contre une équipe comme ça aussi en barrage. Donc ça peut arriver à tout le monde aussi. Ça fait partie des histoires de club, mais. C'est clair que j'ai vraiment pas envie que ça se passe. C'est mieux quand ça arrive aux autres. C'est ça, voilà. Au bout d'un moment, je me dis, on peut pas perdre ça, c'est impossible. Alors sachez que, vas-y Marc, donne-nous ton avis, puis après je ferai un petit. Ouais, non, je résume un petit peu ce qu'a dit Enzo. C'est vrai que t'as le traumatisme de l'année dernière. Le vrai avantage, c'est que tu joues chez toi au retour. Ça, c'est indéniable. Si le dernier match, là, le match de barrage, parce qu'il reste encore 3-4 matchs, hein, il reste encore en Europa League. Voilà. C'est un vrai plus de jouer à la maison le dernier match. Après, j'ai envie de dire, même avec les Chouks arrière droit, tu dois passer ce match-là. Il y a des matchs. On va avoir un mois d'août compliqué et chargé. Il va falloir qu'on fasse tourner, parce qu'il faut pas oublier que les joueurs n'ont pas la capacité en août de jouer toutes les semaines. Grosse chaleur en plus. Parce que déjà il fait chaud, donc bon, ils ont qu'à s'entraîner à 21h et s'entraîner à 6h du matin. Hein, ils font la sieste l'après-midi. Je parle les matchs, moi. Oui. Pas les entraînements. Les matchs, il y a la post fraîcheur. Oui, en effet, c'est plus compliqué. Après, ce week-end, déjà, il fait. J'espère qu'il fait moins chaud pour Strasbourg. Et voilà. Donc après, si on regarde ce qui se passe sur ce mois, il va falloir que tout le monde joue. tout le monde joue, que ça soit Vada, que ça soit Labor qui ont peu de temps de jeu depuis le début de saison, et que ça soit un Kamano ou un Sankaré ou un Plasil qui les jouent tous. Donc, ça va tourner, mais ce match-là, il faut faire le métier là-bas. J'ai envie de dire, place à l'expérience, et la jeunesse, on la verra contre Strasbourg, parce que c'est Strasbourg qui a aura une incidence la moins importante si on doit perdre un des deux matchs. Donc place à l'expérience, c'est-à-dire place à des deux Préville, place à des Sankaré, à des Plasil, à des Larraguer, et contre Strasbourg, sans tout révolutionner, sans changer toute l'équipe. Bah, à des postes où on demande plus de déplacements, au poste d'attaquant en neuf quand t'es tout seul, au poste de récupérateur, de relayeur, eh ben, on fait tourner un petit peu, et le match retour à domicile, on fait reposer ceux qui auront joué les deux matchs d'affilée. Mais ça implique forcément de faire le taf à l'aller, il faut pas sous-estimer en se disant on aura le match retour, il faut faire le taf à l'aller. Juste avant de vous donner vos pronos et de passer à la suite, juste une petite précision, météorologique. Eh ben, il fera, je pense que ce seront des conditions parfaites pour jouer au football jeudi soir, puisque sur les coups de 19h à Mariupol est annoncé 26 ou 25 degrés, pas de pluie, un petit vent à 25 km/h. On est pas mal, je pense qu'on aura déjà des bonnes conditions si le terrain est bien, comme oui, voilà. Face à Venpils, si on pourra pas dire le terrain il était pourri et il faisait un temps de merde. Mais par contre, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est contre Strasbourg qu'on va faire tourner. Pourquoi on ferait tourner? Ouais, non, mais et si, tu mais vas si, faire si. Tourner une partie contre Strasbourg, ah, et mais... la partie qu'on va jouer deux matchs d'affilée tournera au second match. L'objectif de ton mois d'août, c'est de te qualifier pour l'Europa League. Oui. La Ligue 1, il y a 38 journées. Même si on perd contre Strasbourg et qu'on perd à Toulouse, je vais pas paniquer plus que ça. C'est pour ça que j'ai dit faire tourner contre Strasbourg. Ça, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord avec vous. Non. Tu peux te rattraper sur 38 matchs, sur 5 ou 6. Oui, mais le problème, c'est que, alors je te la fais à l'envers. Là, c'est, tu peux perdre contre Strasbourg et contre Toulouse, comme tu dis, à condition de te qualifier. Ah, bah, évidemment. Si tu te perds et que tu te qualifies et pas. Je suis pas sûr qu'en perdant ton match contre Strasbourg et Toulouse, tu sois dans les meilleures conditions d'annoncer ta dernière semaine, qui sera un déplacement, sûrement en Belgique, puis la réception de Monaco, puis la réception d'un match crucial. Donc, non, Monaco, ça risque d'être 0 points. Le déplacement à Rennes sera tout sauf une partie de promenade. Donc, Strasbourg. Sauf une quoi? Partie de promenade. Alors c'est soit une balade, soit une partie de plaisir. Partie de plaisir. Mais... vous avez compris. Faute de français à l'oral. On devrait créer une nouvelle rubrique, les mots de marque. Toi aussi, découvre les mots de marque. Les nouvelles expressions. Donc, contre Strasbourg et Toulouse, il faut pas se leurrer, c'est 4 points minimum. Mais il faut absolument se dire que ceux qui joueront contre Mariupol et Strasbourg ne joueront pas le match retour. Donc il faut le gérer intelligemment. Je pense qu'il faut y aller là-bas à l'expérience. Il faut ramener le 1-0 c'est à la con. Le match il sera tout pourri. Il sera à 19h. Plus facile le match retour. Voilà, tu te rendras déjà le match contre Strasbourg plus simple. Il sera plus simple de tourner et le match retour sera aussi plus facile. Puis ça dépend si tu fais un gros résultat. Si tu fais un gros résultat que tu gagnes par genre 2-0 ou 3 buts d'écart. Ouais, mais ça, on va pas l'imaginer parce que pour l'instant, de ce qu'on voit de Bordeaux, que ça soit le match aller contre Venpsil et même le retour, ça fait 1-0 et 2-1. Donc il y a pas eu de gros score. Et on n'est pas aujourd'hui en capacité, ce groupe-là, de pouvoir espérer un gros score. Essayons de gagner, pouvoir marquer là-bas. Et rentrons à la maison avec 3 points. Faisant le boulot 1-0, c'est très bien, ce sera un très bon résultat. C'est surtout qu'on essaie de gérer les matchs. Nous, on n'est pas forcément hyper prêts pour jouer encore à ce niveau. Alors que quand on voit les équipes qu'on joue, ça fait quelques semaines qu'ils jouent déjà, qu'ils ont déjà commencé leur championnat. Physiquement, ils sont au-dessus de nous, ça se voit. Nous, on est au-dessus, mais sur les 30 premières minutes, on essaye de tout donner dès les premières minutes. Après, c'est clair que ça commence à se compliquer dès que ça commence à devenir compliqué à force, parce que les mecs qui en face, physiquement ils sont prêts, ça fait quelques mois qu'ils jouent déjà, alors que nous on a repris il y a même pas un mois. Enfin, c'est clair que c'est pas si facile. Je vais vous après, demander sur le chat la Bordelaise 92 qui dit il faut commencer la saison fort pour que le groupe soit serein. Et elle a raison. Tu peux pas te permettre de perdre trop de matchs parce que tu sais que ce match-là, ce groupe-là est très fébrile. Oh, la journée était très compliquée. Fébrile. Donc là-dessus, il va falloir absolument que tu te mettes en confiance. Et pour l'instant, les deux matchs qu'on a joués, te mettre pas en confiance plus que cela, surtout quand le premier match ton coach, pour sanctionner certains, t'en envoie quelques-uns sur le banc pour faire mettre un milieu avant attaque. De vous demander votre pronostic et de passer à la suite, Bobby the Second, oui, puisque le Bobby the One est avec nous, c'est mon double, nous dit tu gagnes 4-0 à Mariupol et tu fais tourner au retour, c'est simple. C'est tout con, mais c'est Bordeaux vrai. A déjà gagné 4-0 à l'extérieur en Coupe d'Europe. Oui, non, mais sur un match, je sais très bien comment on sait jamais sur un match. Oui, mais voilà. On sait jamais, il faut pas. Oui, mais le problème, c'est que je me mets à la place de Poyet, j'envisage pas le on sait jamais. Oui, voilà. Mais parle un peu moins fort, Adrien. Non, mais ça serait bien, Adrien. Tu prends le contact et tu raccroches. Adrien, en fait, c'est SOS Détresse Amitié. C'est les clair, gens m'appellent. Ouais. Oh, aujourd'hui, je suis allé à la plage. Oui, donc, vos pronos. Quel est votre pronostic ? Pronostic. Pronostic. Oui, votre pronostic. Une boucherie. Alors, on commence par qui ? Enzo, boucherie ou pas boucherie ? Non, ça va être, comme le disait Marc, ça va être un mot pour moi, ça va être un match assez serré. J'espère qu'on va. Enfin, je suis persuadé qu'on va gagner 1 ou 2-1, quelque chose comme ça, mais pas plus. Oh. Je pense que ça va. Enfin, je vois pas une victoire plus grosse. Ouais, mais pareil. Moi, le 1-0 m'ira entièrement. Mais non, c'est pire que ça. Je signerai pour un match nul. Réellement, je signerai pour un nul, ça m'irait. C'est pas le et top. Et si c'est un nul avec des buts, c'est encore mieux. Ouais, mais voilà. On me dit, tu fais 1-1 là-bas, ça je prends. Oui, moi aussi. Voilà. Après, si tu fais 1-1 là-bas, c'est quand même pas super bon pour ta saison. Donc j'espère quand même qu'on va gagner. On va continuer l'émission, les enfants, avec un auditeur au téléphone. Bonsoir, auditeur. Bonsoir, présentateur. Comment ça va, Eric? Écoutez, je suis super content de vous entendre. Ben, super content aussi. De vous écouter. C'est un moment de plaisir. Je suis un peu frustré que vous ayez écourté l'émission et qu'elle démarre à l'heure où j'écoute Jean-Pierre Pernon. Enfin, je sais pas si, tu vois. Donc c'est un peu entre Gilles Boulot et vous, j'hésite en fait. Tu vois, c'est ça le problème. Oh, mais ça rien. Tu regardes le 10-45 sur M6. On invitera puis, Gilles bon. Boulot. Pour toi, Eric. Non, mais tu regardes le 10-45 de M6 qui est encore le propriétaire du club. Et puis après, c'était tranquille. Alors, non, mais vraiment, je voulais juste vous dire, je suis super content de vous écouter. Bah, c'est gentil, merci, Eric. On est content, nous, de te retrouver au stade. Alors, bon, Eric, si vous ne l'avez pas reconnu, évidemment. Speaker des Girondins que vous retrouverez. Et pas que, puisqu'on a pu te suivre cet été. Non, mais c'est pas ça. Mais on va faire un pari, Eric. Si jamais on est champion d'Europe, tu m'emmènes avec toi sur le Tour de France. Je veux aussi rencontrer les hôtesses. Dis oui, ça te coûte rien d'accepter. Si on est quoi, champion d'Europe, tu veux dire de l'Europa League? Ouais, tu m'amènes avec toi voir les hôtesses. Ah non, mais alors tu sais quoi, je te fais même faire le tour du monde si tu veux, si on est champion. Alors, pour ceux qui suivent Eric sur les réseaux sociaux, Eric, tu n'es pas seulement donc le speaker des Girondins, tu étais aussi sur le Tour de France cet été et tu m'as régalé. Tous les jours. Tout le monde, t'as régalé tout le monde. Là, t'as eu l'idée de. T'as rendu quelque chose qui est pas forcément hyper intéressant non mais le Tour de France c'est intéressant, mais quand tu vois genre la moitié de course là où c'est pas vraiment intéressant parce que tout le monde roule à peu près, oui, surtout et la que première tu semaine. Et que tu regardes les vidéos d'Eric, là ça devient intéressant. C'est gentil. Non mais vous parlez pas uniquement des hôtesses quand on... Non, moi je parle de tout le reste, de tout ce que t'as, parce que t'as pas fait que le Tour de France aussi, t'as juste pas eu les boules de pas être en Russie. Mais je suis parti en Russie. Si mais tu n'as pas fait toute la compétition là-bas. J'ai pas fait toute la Coupe du Monde. Mais j'étais en contact régulier avec certains joueurs. Avec ton fils, par exemple. Ah ouais, avec lui. Et oui, puisqu'Eric, donc c'est un scoop, hein, et le papa de Lucas Hernandez. Ouais. C'est quand même. Ça l'a pas beaucoup fait rire. Non, mais. tu m'étonnes. L'avantage, disons que certains des joueurs qui étaient en espoir et qui sont devenus champions du monde. J'avais des contacts avec eux, que ce soit Tolisso, que ce soit Pavard, que ce soit Hernandez. Enfin, c'est des gens, Pavard doit normalement venir manger à la maison avant la fin de l'année. C'est des gens avec qui j'ai gardé contact avant qu'aujourd'hui ils soient exposés comme ils le sont à la fin du monde. Mais avant d'être ce qu'ils sont, c'était avant tout des gens super. Enfin, je pense qu'ils le sont toujours, hein, mais des joueurs gentils, enfin, des bonhommes agréables. Eric, décale-toi, cherche le wifi, cherche la 3G, mais là on a le forfait qu'on sonne. Vous m'entendez pas? Là c'est mieux. C'est mieux. Donc tu disais que c'était un garçon adorable et c'était des gens qui étaient restés un petit peu eux-mêmes encore. C'est ça, c'est-à-dire qu'avant qu'ils soient aujourd'hui exposés à la face du monde, c'est des gens avec qui je les connais et avec qui je les connais aujourd'hui. Alors je les ai par texto de temps en temps. C'est plus que c'était parce que forcément quand tu deviens d'un club à Stuttgart où tu n'es pas connu et où tu deviens le champion du monde, tu te doutes bien que les sollicitations ne sont pas les mêmes et que tu n'as pas beaucoup de temps. Mais ça fait partie des gens qui, je ne sais pas si vous m'entendez, mais normalement, pas heureux de venir manger à la maison avant la fin de l'année. Et je veux croire que le bonhomme est resté le même pour que ce soit toujours le cas. Enfin, je le souhaite. Mais les bonhommes oui, comme Carrier, gens comme Dombélé sont des gens Eric, qui voilà. Si on peut l'avoir 5 minutes au téléphone pour le féliciter de sa Coupe du Monde, ce sera un kiff. Et promis, on le chantera. Non, justement, j'allais dire, promis, on le saoulera pas avec cette chanson. Ah, si, c'est sûr. Oh, non, par contre, je le remets à Cyril pour son but parce que non seulement j'ai vu quelque chose de magnifique, par contre, pendant 2 semaines, j'ai eu cette chanson dans la tête. Vous savez que je suis persuadé que c'est Benjamin Pavard qui fait gagner la Coupe du Monde. Qui fait pas gagner la Coupe du Monde, non, mais qui amène cette espèce de truc de folie qu'avait pas l'équipe de France pendant 3 matchs. Et que sur ce match-là, il y a un gars. Il pète un câble, il met un but de fou et ça emmène tout le monde derrière. Pour la petite histoire, je suis donc 10 mètres derrière sa chérie Rachel. Sur ce match-là. Et en fait, je suis au niveau donc des 25 mètres du côté donc du but argentin en première période ou deuxième période, pardon. Et donc vraiment, quand il frappe, je l'ai en face de moi, et quand tu vois cette balle qui part, alors que tu as 35 000 Argentins qui chantent, et que tu vois ce but, mais il se passe un truc dans le stade, c'est juste exceptionnel. Et c'est là où le foot, tu peux me dire que Bein, tu peux me dire Canal, tu peux me dire ce que tu veux. Le football, ça se dit au stade, quoi. Ça, il n'y a pas photo. À ce moment-là, je pense que tu vas t'en rappeler un moment, oui. Tu sais, vous parliez des Ukrainiens, et c'est aussi pour ça que j'ai appelé. Moi, mes trois moments les plus forts que j'ai eus en foot, je parle indépendamment des Girondins, enfin des clubs, parce que je pourrais parler de Liverpool en demi-finale de Ligue des Champions, mais en équipe nationale, c'est le match aller-retour en Ukraine que j'ai fait avec l'équipe de France. Le match aller où on se fait désossé pour le match de barrage pour la Coupe du Monde, vous savez, avant qu'on parte au Brésil. Ce doublé de Sacco, ouais. Et voilà, et le match retour au Stade de France, il y avait d'ambiance, mais un truc comme j'ai jamais connu ça au Stade de France. Et puis là, ce truc où dès que Messi touchait le ballon, c'était un truc de fou, mais c'était juste, t'as l'impression que c'était comme si Dieu était là, enfin c'était, et Pavard qui marque ce but, et déjà l'accélération de Mbappé sur le côté, mais c'est... Le foot est juste merveilleux, quoi. Alors, bien sûr, sauf quand on prend 3. Et que t'es argentin. Ouais, quand t'es argentin, c'était un peu moins merveilleux. Ah, mais c'était terrible. À la fin du match, il y a des Argentins qui nous proposaient des billets pour les quarts de finale, parce qu'ils avaient acheté les quarts de finale. De finale, ils étaient convaincus d'y être, quoi. Et Pavard, à la fin du match, donc je lui ai envoyé texto, et tu sais quand même que là, si tout va bien, tu as marqué le plus beau but de la Coupe du Monde. Jusqu'à la fin des générations de foot, ton nom sera associé à cette Coupe du Monde. Ah, mais complètement. Et il me dit à ce moment-là, écoute, Eric, je sais pas, je me rends pas compte. Je suis juste dans un truc où j'ai l'impression d'être dans une machine à laver. Mmh. Et j'ai dit, écoute, arrête la machine à laver, t'as encore un quart de finale joué, une demi et une finale. Puis bon, il se trouve que... comme les champions du monde, quoi. Donc c'est le bonheur. Mais pour en revenir à l'Ukraine, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, Marc, avec ses nouvelles expressions que j'ai notées, parce que je pense qu'il peut en faire un livre. Tu vois, on est d'accord. Moi, je pensais en faire une rubrique. Il faut faire gaffe, les Ukrainiens. C'est pas des peintres, les mecs. Hein. Ah oui, c'est non, pas non des peintres, hein. Et il fera pas 40 degrés là-bas. Je pense qu'il faut pas sous-estimer cette équipe. Et puis si effectivement on peut même effectivement faire un match nul là-bas, j'ai presque envie moi aussi de signer. Hein. Un nul, franchement, un oui, 3, bon, 3, comme Marc, un 3, même 3, pas, 3, un 0-0. Alors, si on peut marquer, c'est si mieux, un petit 1-1, tu vois, ou un 2-2, moi ça me va bien. Hein. Après, vu que tu fais 3-3, t'es presque sûr qu'en faisant un match nul, tu te qualifies, minimum. Non, mais Adrien, moi je veux bien faire 3-3, je peux même faire 4-4 ou 6-6 si tu veux, mais à un moment donné. Même 2-2 si tu veux. 2-2. Oui, voilà, 2-2, c'est déjà plus... Bon, allez, ça semble déjà un peu plus cohérent. Enzo. Oui, moi, j'ai une question pour toi. Tu as annoncé sur tes réseaux sociaux que tu allais supprimer ta page. Bah oui, le Tour de France, il est fini. Mais Ça n'intéresse pas grand monde. C'est pas important. C'est ça, le souci. C'est où est-ce qu'on peut te retrouver maintenant? Au stade. Non, mais je vais garder Twitter. Je vais moins. Je pense qu'en fait, pour être totalement transparent avec vous, et je vous remercie pour vos compliments sur le Tour de France. Et pas que sur le Tour de France, on a des amis chatteurs qui viennent nous parler encore, qui nous ont parlé de ce que tu avais fait avec le speaker de Liverpool. Ah oui, oui. C'est, oui toutes tes vidéos, à chaque fois, vraiment, elles nous font vivre un peu l'intérieur. C'est gentil. Mais pour être totalement honnête, j'avais adoré, moi, celle que j'ai faite au Japon avec le gars pour qui j'ai pris comme si c'était un supporter des Girondins en plein cœur d'Osaka. Je trouve que celle-ci, elle est juste exceptionnelle. Non, mais en fait, si vous voulez, on va pas faire deux heures là-dessus, et puis c'est finalement très personnel, mais j'ai l'impression que une page Facebook, c'est un peu se faire plaisir, et c'est bien de se faire plaisir, mais en fait quand je fais ces vidéos, c'est vraiment pour que ce soit partagé par le plus grand nombre, que les gens voient que autant les hôtesses que ceux qui travaillent, je parle sur le Tour de France, mais même dans les métiers, quand je fais des trucs avec la Fédération Française de Foot ou de Rugby, où j'essaie de voir des gens qui font justement des métiers qui sont tout aussi importants mais moins visibles, par exemple, que le mien, et comme je me rends pas compte de l'impact que ça peut, ou de l'effet que ça fait, et en l'occurrence vous me réconfortez là-dedans, mais je me dis finalement que je ne le fais que pour moi. Et le faire que pour moi, j'ai plus besoin de ça. Vous voyez, j'ai passé l'âge d'avoir une érection en regardant mes vidéos. J'ai envie juste que ce soit, que ça plaise à ceux qui les voient. Mais tu nous donnes des érections, t'inquiète pas. Non mais, vous voyez, j'ai pas d'écho sur ce que je fais. J'ai pas d'impact. Je sais pas qui les voit. Je sais à peu près combien il y en a, puisque j'ai des chiffres que Facebook me redonne, mais... Si vous voulez, je me dis que bon, est-ce qu'on a passé le tour en fait de ce que je fais aujourd'hui, que ce soit les Girondins, le Racing, l'équipe de France de foot, l'équipe de France rugby, le Tour de France, où là, normalement en septembre, je vais faire un très gros événement mondial. Donc comme je n'ai pas encore signé, je ne peux pas en parler, mais ça va être un truc qui serait diffusé dans le monde entier, donc ça serait plutôt... Il y a quoi en septembre puissant comme gros événement mondial? Je vais chercher, je vais trouver. Mais tu m'enverras un texto si tu trouves. Ah, je vais essayer de creuser un petit peu. Ça m'a... Non, mais septembre 2019. Vous faites une émission sur le foot et sur les Girondins, donc je ne veux pas que ce soit un truc spécial d'Instagram, mais pour finir là-dessus, je me dis, est-ce que vraiment... J'ai pas fait le tour. Voilà, c'est la vraie question. Oh, si tu veux, on te recrute sur la chaîne YouTube de on te prend en guest avec Julien. Avec Julien B. Voilà. Avec Julien B, on vous prend tous les deux. Bon, on vous paiera pas. Mais je lui souhaite d'ailleurs de lui faire à Julien, parce que d'abord, c'est un garçon qui est passionnant et passionné par les Girondins, qui est certainement pas une mondiale. Et je sais pas s'il nous écoute, mais s'il nous écoute, vas-y, Julien, fais-toi plaisir. Hein. Si ça peut donner une version différente aussi, ou un regard différent au foot. Comme je l'ai dit aussi, j'ai mis sur Twitter, et je profite, pardon, de l'antenne que vous me donnez pour le dire, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé le virage sud et les ultras, mais le public en général, mais même si effectivement c'est plus spécifique au sud, contre les métaux aujourd'hui, parce que j'ai trouvé que c'était une ambiance saine, c'était une vraie bonne ambiance. Il n'y avait pas besoin pardon l'expression, de chier sur les adversaires pour encourager les autres. J'ai trouvé que c'était... ça chantait, que c'était fun. Enfin voilà, j'ai trouvé vraiment... Je dirais pas que c'est un field, mais vraiment, j'ai vraiment trouvé que pour un premier match, le 2 août, avec la chaleur qu'il faisait, et je sais de quoi tu parles parce que j'étais en cravate, je sais pas comment vous avez trouvé vous, mais j'ai trouvé que c'était plutôt... Bien pour une première, pour 17 000 personnes face à Van Pils, moi franchement l'ambiance c'était bonne. Même en face, ils ont, moi ça m'a fait rire, on avait quand même super supporters en face qui ont même applaudi sur le Girondin. C'était bonne ambiance, bonne ambiance. C'était bien, c'était bien. Déjà Eric, juste, enfin c'est un petit aparté, mais on regarde sur le chat, tous les gens disent que tes vidéos elles sont géniales. C'est, enfin peut-être les retours tu les as pas sur Facebook, mais juste dis ça comme ça. Non mais je suis au téléphone, donc j'ai pas le... Mais c'est gentil, c'est super gentil. Non mais vraiment, en plus. Puis là, je le dis sans fanfaronnerie, parce que j'ai passé l'âge d'être flatté des choses qui comptent pas. Mais là, ça me touchait parce que, vous voyez, par exemple, les hôtesses que vous avez vues qui sont super jolies, c'est juste casser l'image de la gonzesse qui est bonasse et qu'on a envie de mater uniquement. Elles font un super boulot. L'année prochaine, notamment avec celle qui enfin, je veux pas dire du mal de la femme à laquelle je pense, qui fait la politique au gouvernement et qui veut casser le mythe de la femme ou des cartes postales. Voilà, c'est nanana, elles ont la chance d'être jolies, mais tant mieux pour elles. Mmh. Et tant mieux si elles peuvent faire du bien parce qu'elles sont jolies aux yeux des gens qui viennent. Pour autant, elles ne font pas que ça, et les réduire à un sourire et les virer ou les remplacer par des mecs, comme ça va être fait pour la Formule 1, par des enfants de 10 ans. Ouais, parce qu'elles sont jolies. Parce qu'elles sont jolies et surtout qu'elles ont décidé de le faire et que c'est leur choix. Absolument. Et qu'elles ont envie de faire ça et que c'est leur métier qu'elles en vivent. Je suis totalement d'accord avec toi. Vous savez quoi? Rien que pour ça, je suis content d'être passé à votre antenne pour dire arrêtez avec les nanas, quoi. Elles se lèvent à 8h du matin, elles finissent à minuit, elles essayent d'être en forme, d'être souriantes, elles sont sympas avec tout le monde. Si jamais vous venez sur le Tour de France, et croyez-moi, le village, c'est que. Donc c'est des gens qui ont pas forcément le recul sur le travail qui est le leur. Elles font un super boulot. Et quand je dis super boulot, j'oublie pas celles qui sont au stade aussi, qui accueillent les gens et qui ont le sourire. Parce que voilà, c'est trop facile de dire elles ont une belle gueule, alors c'est des nazes. Voilà, c'est juste ça que je veux aussi dire. Et voilà, messieurs. Eric, moi j'ai une petite dernière question pour moi personnellement. Même si t'as pas, bon, dans le fond t'as pas pu suivre de près, on va dire, la situation du club cet été. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, que ce soit sur les repreneurs, que ce soit sur le mercato, sur un peu tout. Est-ce que déjà on est sûr de te retrouver cette saison et les saisons à venir? Oh bah quand même, on peut. J'espère. Il y a bien longtemps que j'avais entendu parler de choses. Bien longtemps, bien évidemment que je ne pouvais, à qui j'ai pas parlé parce que c'est pas mon rôle et que moi je suis. Je suis pas là pour parler de ça. Je veux juste penser que ceux qui sont à la tête encore du club ont tout fait pour que, avec leurs moyens, pour que le club soit le plus haut possible. Je pense que tous ceux qui ont été à la direction ont fait en sorte que ça fonctionne et que ceux qui y seront auront cette même démarche. Après, si je reprends encore une fois le parallèle avec un club que j'aime beaucoup, qui est Liverpool, quand les Américains sont arrivés, ils ont tenu compte des supporters. Et à un moment donné, il y a 2 ans, ils ont voulu que le COP, donc ce qui est à droite, enfin bref, l'une partie du stade, mais qui est la plus connue, qui est donc le COP, ils ont voulu augmenter les prix, mais d'une manière phénoménale. Je crois que c'était de l'ordre de 30%. Les prix du COP. Et pour le POP, je crois que le prix c'était 47 livres de plus. À la 47e minute, oui, ils ont sifflé, ils ont fait un truc pas possible. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est que les Américains qui étaient à la tête, qui sont à la tête, je crois que c'est Gillette d'ailleurs, à la tête de Liverpool, eh bien ils sont revenus sur ce qu'ils voulaient faire. Alors je ne dis pas que la masse, que le public doit décider de la politique. Je dis qu'au moins l'écouter, au moins l'entendre, c'est aussi, ça fait partie du club. Et je ne réduis pas cette écoute au Virage Sud. Je parle des abonnés, je parle de ceux qui viennent au stade. Et je veux croire que si celles et ceux qui sont à la tête des Girondins dans quelques semaines tiennent compte du public, des supporters, ben je pense qu'on peut vivre une belle aventure. Et je terminerai en disant que, et c'est ce que je disais à un des anciens membres du staff il y a quelques jours, c'est plus facile pour les Girondins d'avoir le sourire quand tu es tout en haut que quand tu es tout en bas, quoi. Même quand tu es patron, il vaut mieux que ton entreprise fonctionne et que tu fasses tout pour qu'elle fonctionne plutôt que finalement être dans un désintérêt total, acheter un truc et s'occuper. Je pense que ceux qui seront à la tête des Girondins, comme la direction d'M6, alors avec plus ou moins de succès, mais ça aussi c'est l'indécision du haut sport, je pense qu'ils feront tout pour que ça fonctionne. Alors me concernant, je suis tellement une poussière dans l'organigramme Girondin que je pense qu'ils ne savent pas qui je suis, qu'ils ne sauront jamais qui je suis, sauf si on me présente. Et d'ailleurs, j'ai eu, avec que ce soit M. Trio ou M. Martin, toujours des contacts cordiaux, parce que je me suis présenté à eux et qu'ils savent qui je suis, et je veux croire que ça les importe, au moins un minima. J'espère que ce sera pareil pour eux, ceux qui arrivent, mais je veux croire que l'organigramme aujourd'hui tel qu'il est, je vois pas pourquoi ils bougeraient, quoi. Enfin, vous voyez, j'ai pas la réponse, hein. Je peux pas, malheureusement, pas vous répondre. Je suis pas un petit outre mesure, parce que je pense que si on doit juger sur mon travail et sur l'implication qui est la mienne, il n'y a pas grand chose à dire. Je peux me regarder dans une glace, quoi. Je pense que le monde entier sait que je suis supporter des Girondins. Même en Russie, quand je suis arrivé avec mon écharpe et que je suis passé au contrôle et que le gars m'a dit qu'est-ce que c'est, et que j'étais avec le mec de la Fédé derrière et que je dis laisse tomber, c'est un supporter des Girondins, et que le gars qui était au contrôle, qui parlait français, rigolait, je pense qu'il n'y a pas de doute quant à la pression qu'il amène pour ce club. Alors après, est-ce que ça suffira? Je veux croire que, encore une fois, je fais bien mon travail et que seul celui-ci sera, j'espère, jugé lorsqu'il faudra peut-être avoir mon regard sur ce que je fais. Bah écoute Eric, on espère en tout cas que t'as complètement voilà que tu sois dans le vrai et puis que au final ça soit juste un changement de direction et de tête pensante, on va dire. Et puis que voilà qu'il y ait plus Et puis on se voit dimanche Bordeaux Strasbourg. Je vous raconte une anecdote rigolote. Allez vas-y. Pour terminer, je suis à Kazan et dans les gens qui collaborent et qui tournent avec la Fédé, il y a Marc Keller. Oui. Qui est le président de Strasbourg. Strasbourg. Et on se tutoie, on se parle, et je lui parle avec gentillesse parce que la première fois que j'ai été faire un match à Strasbourg, c'était d'ailleurs le jour de l'annonce du décès de notre gardien, Dominique Dropsy. Et donc je suis passé dans les salons et aussi président soit-il, il m'a accueilli en me souhaitant la bienvenue. Enfin, il y a eu vraiment une attention cordiale que je plutôt apprécié, parce qu'il n'était pas obligé, parce que finalement, encore une fois, voilà, je suis speaker de l'équipe de France des espoirs, c'est pas très important, mais il a tenu à m'accueillir, donc j'ai trouvé sympa. Et donc on a gardé une relation qui, à chaque fois qu'il vient sur un match des espoirs, des féminines, ou avec Strasbourg, on papote 2-3 minutes. Et là, donc on prend l'avion pour rentrer à Paris après le match, donc contre l'Argentine. Et j'ai dit, et donc le calendrier était sorti. Et j'ai dit, puis gentil cette année, tu viens pas nous en mettre trois. En même temps, comme avant du Terrier, c'est pas lui qui devrait marquer. Il me dit, écoute, Eric, avec le calendrier qu'on est au mois d'août, je pense que ce match-là sera pas le plus important. Parce qu'il me dit après, on reçoit Lyon. Je crois qu'on va. Je ne me rappelle plus ce qu'il m'a dit des autres matchs, mais si, il y a Nantes et Saint-Étienne, je crois, dans leur calendrier du mois d'août. Mais je me rappelle très bien qu'il dit non, mais la semaine d'après on reçoit Lyon. Voilà, bon, alors, ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Mais dans son esprit, je pense qu'effectivement, la réception de Lyon, qui est le premier match à domicile, pour Strasbourg, à Menbo, revêt peut-être une importance un peu plus importante que le premier match à l'extérieur chez nous. Voilà. Eh ben écoute, on espère, sinon ça va pas être simple dimanche. Eric, merci beaucoup de nous avoir appelé, c'est vraiment un régal à chaque fois, c'est un plaisir. Ouais, et puis bah écoute, dès que t'es dispo et que tu peux venir, bah écoute, tu sais que t'es à la maison, donc c'est gentil, mais moi je vous le dis vraiment encore une fois, vous faites une très bonne émission. Et puis je vous écoute avec beaucoup de plaisir, quel que soit l'endroit où je suis, parce que rappelez-vous. Un jour tu nous as appelé, t'étais au restaurant, je me rappelle. Mais non, je vous appelais de New York. Oui. J'avais Julien B. Et Laurent Brun. Je vous ai appelé. De New York. Tu nous as appelé un jour de je sais plus trop où. T'étais avec Saint-Belgique aussi. Je sais plus où c'était. Ah oui. C'était pour la Garden Party. Ah oui, c'était la Garden Party au Hayan, ouais. C'était non, mais c'est alcoolisé. À chaque fois, c'est cool, ouais. Merci vraiment. Merci Eric. Merci à toi. Et puis, continue. Et une très bonne saison et gardez votre enthousiasme. Merci beaucoup. Et puis, bonne saison à toi. Bientôt, ciao. C'est gentil. Salut. Ciao, Eric. Je l'aime bien, Eric. Il est cool, il est gentil. Ouais, bon, on a fait un petit quart d'heure en dehors des journaux. Ouais, oui, mais c'est pas grave, ça fait du bien. De toute façon, il nous reste une demi-heure pour parler mercato. On n'avait pas franchement autre chose en tête, donc on gardera. Il y a des petits débats, etc. Paul Bayes pour lundi, c'est pas grave. On a le temps, c'est l'été, on est zen, on est décontracté. Et puis ça fait toujours plaisir d'avoir Eric. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, donc enchaînons par. Il s'agit du transfert le plus important de l'année. Drogba. Thuram. Non, moi je sais, Makelele. Beckenbauer. Maradona. Ah, vous êtes vraiment une belle bande d'abrutis. Je vous parle pas de tennis. Non, on va pas parler de tennis, pas du moins pas ce soir. On pourra peut-être en parler un autre jour. Alors, les infos. Pardon. Voilà. Les rumeurs mercato. Alors, on va parler infos et rumeurs. On va commencer par les infos. Celles qui sont sûres, la venue de Samuel Kalou. Donc, ça, c'est fait, c'est officiel, c'est signé, il s'est entraîné. Il sera prêt. Voilà, un contrat de 5 ans. Il sera prêt pour, alors, le temps des papiers, machin, tout ça, il sera pas prêt pour jeudi, voilà. Mais il sera prêt pour le match de Strasbourg. Donc, bon, les enfants, à part vous dire wait and see, je vois pas ce qu'on pourrait rajouter d'autre. C'est honnêtement, qui l'a déjà vu jouer ? Ah, personne. Voilà. Qui le connaissait ? Ah. Alors, peut-être, qu'il a joué quand on a affronté parce qu'on a affronté Genk, si je dis pas de non, c'est la... qui a affronté Genk en Coupe d'Europe là il y a pas longtemps. Si c'est Lyon. C'était Marseille Lyon, l'an dernier, non? Lyon, je crois, si je me trompe pas. Alors peut-être ouais, il a joué contre Lyon ou Marseille, je sais plus. Mais franchement, bon, on ne le connaît pas, donc on va pas vous vendre du rêve sur voilà, on connaît pas. Non, par contre, il y a un truc moi qui me dérange en ce mercato et qui me dérange avec quasiment tous les Africains, c'est que on va le perdre à un moment de l'année pendant un mois et demi. Et ça, c'est super chiant. C'est la coupe. Attends, c'est fini. La CAN est décalée ouais. En même temps en été. Yeah, merci j'apprends quelque chose. En même temps, il y a rien qui nous garantit ce mercato. Alors, tiens, non, mais le mec, on l'a recruté. Alors, faut quand même voir le truc. On l'a recruté c'est dans quand même le une but. Somme, hein. Ouais, assez cher, dans le but de le revendre plus cher. Donc, on fonde des espoirs dans ce joueur. Comme Cafu. Donc, c'est d'ailleurs que non. Cafu, tu t'avais pas autant d'espoir parce que Cafu oui, remplaçait. Était déjà plus vieux ouais. Et tu t'attendais plutôt à un joueur qui puisse t'amener avec un petit peu d'expérience. Bon, bref, ça a été un raté. Il y en a d'autres et il y en a eu plein d'autres. Hein, des pour vies, l'instant, des c'est un raté. Etc. Il peut faire une bonne saison. Année, il fera une bonne saison. Ouais. Mais en ce qui concerne, personne n'y croit vraiment. C'est bien pour ça. En ce qui concerne ce joueur, tu es dans l'optique de faire une Malcolm, de le revendre plus tard, plus cher. On va voir. J'espère juste que le dossier a été travaillé. Si le dossier a été travaillé, il n'y a pas de raison que ça ne paye pas sur ce genre de joueur. Après, il faut qu'il s'acclimate à la Ligue 1, etc. Mais il vient de Belgique, il ne vient pas de Brésil. Donc, cette acclimatation-là devrait être pas quand même... qu'il y a après, mais... Oui, mais il avait fait au moins une saison à Ghent. Oui, oui. Donc, dans la langue, ça veut dire que ça fait un an qu'il parle français. Apparemment, il parle. À Genk, c'est ça le souci que je me suis heurté à ce souci. C'est en allemand. C'est les Wallons. Voilà, les Flamands. Je suis désolé. Non, la Belgique, c'est pas grand. T'es confronté à des gens qui parlent français. Ils parlent beaucoup anglais avec le rugby, apparemment. Ils parlent anglais et belge avec le rugby. Après, anglais, Marc, t'inquiète pas, tous les joueurs aujourd'hui. Oui, non, mais après, ça aurait pu aider. Ça aurait pu aider. Après, je reste quand même sur ce que je viens de dire. Quand t'es en Belgique, t'es confronté à des gens qui parlent anglais, français. Donc dans ce système-là, quand tu vas, tu sais, dans les choses simples de la vie, tu vois, faire tes courses, ce genre de choses. Même si je pense qu'ils sont pas trop laissés à l'abandon, ils ont des gens qui s'en occupent quasiment. Il va pas être dépaysé. C'est pas la même chose que quand t'es dans un pays où tu n'as jamais entendu parler la langue. Fous-moi en Allemagne. Je pense que je vais connaître les heures les plus sombres de ma vie les premiers mois. Non, je te promets. Non, ça va. Non, franchement. L'allemand, ça ressemble un peu. Ils parlent tous anglais en Allemagne. Oui, mais je parle pas bien anglais déjà de base. Non, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ou en Italie, ou n'importe quoi. Ou en République tchèque, voilà. Au moins, vous ne direz pas que ça ressemble à un truc. Ça peut être compliqué. Donc, sur ce point-là, il a une acclimatation qui doit être un peu plus simple. Après, j'ai envie de dire, sois bon, comme tu dis souvent. Bonne chance et sois bon. Et c'est surtout, ça a été remarqué après, mais il est nigérian et le sélectionneur du Nigeria n'est autre que Garnot Rohr. Et alors, mais pour acclimatation et tout ça, je ne pense pas que Rohr n'ait pas été contacté. C'est un flop, ça. Ah, tu crois que indirectement Garnot Rohr a pu. Il a pu demander à son. Parce non, qu'il pas demander à ce qu'il soit recruté, mais être non, contacté. Non. Est-ce que tu crois que le joueur a pu peut-être entrer en contact, c'est ça que tu veux dire? Ou Garnot Rohr pour faire en contact avec le joueur, oui, bien sûr, il y aura des contacts, et je pense que peut-être. Sur la question de l'acclimatation et tout ça, Rohr peut avoir un rôle important. Après, on ne peut pas savoir réellement son niveau, et on a fait un sondage sur le Twitter de Gironda Anaïs et je pense que les supporters aussi s'interrogent sur le réel niveau de Kalou. Alors, et puis après Rémi, parce que le pauvre on l'a pas entendu, et ça fait 22 minutes. Juste à noter, il s'est aussi renseigné avec Uche et autres, un peu, enfin quelques joueurs nigériens. Uche qui était passé à Bordeaux. Quelques Nigériens qui sont déjà passés par le club. Et Nakari aussi, peut-être. Ouais, voilà, il a signalé deux ou trois joueurs comme ça. Alors on a posé une question sur Twitter. Alors c'était un sondage. Que pensez-vous de notre nouvelle recrue Samuel Kalou? Alors on a mis trois positions. Je m'attendais à mieux. Trop content ou connais pas, je juge pas. Donc connais pas, je juge pas arrive en tête avec 88%. Avec 80%, c'est ça. J'étais pas loin. Je m'attendais à mieux, 14%, et top content, 5%. Bon, en même temps, les gens sont logiques. J'ai un petit coup de gueule là-dessus. Bah quoi? Il faut que les gens. Non, mais si. La cohérence du supporter bordelais, des fois, ils connaissent pas, ils attendent. Tu sais donc ce que je vais dire à l'avance? Oui. La preuve. Donc non, donc laisse-moi finir. J'en ai lu beaucoup qui râlaient. Alors tu les entends, quand on recrute pas, c'est nul. Quand on recrute, ça va pas, parce que soit on recrute un mec trop cher et à ce moment-là, on s'est planté, on s'est fait avoir, ou alors quand on recrute un joueur pas cher, ouais, le club a pas d'ambition, il veut pas investir. que cette population qui donc n'est pas majoritaire au vu du sondage pouvait juste fermer sa gueule. Juste le temps du mercato, vous la réouvrirez le premier en septembre. Oui, mais je sais. Donc c'est même plus logique. J'ai envie de dire, à un moment, on voit que le club a quand même investi une certaine somme. Donc et va peut-être encore investir. Donc on je pense que derrière, c'est pas que M6, c'est que les Américains qui sont derrière ont eux l'objectif de faire une plus-value. Donc on va parier des coups. Mais il y a un coup que Monaco a fait, que le premier qui me dit que les joueurs recrutés par Monaco, il les connaissait avant. Oui, c'est ça. Je le traiterais de menteur. Bernardo Silva en Ligue 2 portugaise. Oui, non, mais là, ils ont fait 400 millions de bénéfices sur les trois derniers mois. 400 millions de plus-value. C'est exactement ce que cherchent à faire les Américains. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver. C'est pas dire qu'on va y arriver. Il va falloir qu'on crée un réseau, etc. Que Monaco possède, mais il va falloir qu'on crée un réseau. En tout cas, on va être sous cette... Moi, je vais y arriver. Et sur la saison, on sait que Monaco, cette année, ça sera très compliqué pour eux. Ok, mais soit, on aura des phases comme ça, mais on peut pas reprocher de prendre des risques. Voilà. La chose que je retiens quand même de cet achat-là, en particulier, c'est qu'on prend un risque. Pour moi, c'est un plus gros risque qu'on ait cherché de Préville à 8 millions, où on s'est planté, mais où le joueur connaissait la Ligue 1 n'était pas inconnu non plus. Là, on prend un risque. J'espère qu'il sera payant. Et si le club prend souvent des risques, ça sera forcément payant. On réussira pas tous les risques, mais ça sera payant. Enzo, deux secondes et après vraiment Rémi. Non, mais juste pour dire. Après, enfin, beaucoup s'offusquent sur le prix qui a été payé par le club. Bah, mais maintenant, avec 8 millions, t'as quoi? Mais t'as plus rien. On a presque vendu 5 millions Crivelli. Oui, oui. Au bout d'un moment, faut arrêter. Avec 8 millions aujourd'hui, les enfants, c'est ça, vous avez plus rien. Avec 8 millions, t'as plus rien maintenant. Donc, il faut arrêter aussi de toujours s'offusquer sur des prix comme ça. Maintenant, le 8 millions dans le foot, c'est plus rien. C'est devenu banal. Un joueur de 20 ans maintenant, il vaut 5-10 millions minimum. Rémi, sur Kalou. Ouais, non, attends. Non, il fait penser un peu à Kamano. Physiquement, il fait penser à Kamano en fait. Tu sais, je pense que c'est le style Kamano en fait, je sais pas. Ouais, je vois bien jouer comme Kamano. Ouais. En fait, après, j'ai regardé. Ah, si c'est un tout droit, ça va me plaire. J'ai regardé quelques vidéos cet après-midi. Et ouais, c'est vrai que des fois, il est tout droit, la tête baissée, puis il y a une belle ligne d'autoroute, donc on verra, mais j'espère pas que ça soit. On n'a pas une section athlétisme. Après, s'il arrive à avoir le même rendement qu'un Kamano, j'ai envie de dire pourquoi pas, hein. Parce que Kamano, en ayant des passages à vide dans un match, c'est ça le pire. Et quand même au niveau stats, c'est ça le pire. Très intéressant. C'est qu'il est pas bon, mais il a des bonnes stats. Et ce qu'on entendait du joueur, c'est que il avait pas beaucoup de passages à vide dans un match. Il n'était pas forcément un Malcolm, mais il avait pas beaucoup de passages à vide. Après, c'est quelqu'un qui va être mis en concurrence avec le reste de l'attaque. Il ne vient pas avec un poste attitré, mais souvenez-vous, Malcolm, on va le chercher 10 millions, personne ne le connaît, et sur 2-3 matchs, il s'est mis le public dans la poche. À lui d'y arriver, à se mettre ce public-là dans la poche, pas en se prenant pour Maradona, Messi, Ronaldo. Moi, je préfère le voir jouer simple, mais jouer efficace. Et juste, je rappellerai aux auditeurs, puisque certains nous rejoignent en cette début de 21h, que, mais journaliste, les horaires ont changé, c'est maintenant 20h, 21h30, tous les lundis et vendredis, sauf le premier vendredi du mois qui aura lieu à partir de septembre, donc ce sera le 7 septembre, où on fera une émission de 20h à minuit, une émission exceptionnelle. Ouais, enfin, ça, c'est pour l'instant, on part sur ces horaires-là. Après, c'est ces horaires-là pour l'instant, on verra. Pour l'instant, c'est ces horaires-là. Et que vous pouvez nous joindre au 05 56 35 31 31, 05 56 35 31 deux fois pour intervenir à l'antenne. Donc, si vous voulez parler du mercato avec nous, ben, l'antenne vous est ouverte. Alors, évidemment, tout à fait. Donc on va, parce que là il y a eu des petites nouveautés sur le transfert de Bazic, alors on va commencer par ça justement, l'info donc de l'après-midi, et ça a l'air gentiment de s'accélérer un petit peu, et puis on finira par les petites rumeurs du jour. C'est Thomas Bazic, donc qui devrait rejoindre donc les Marinés Blancs, d'après plusieurs médias français et croates, qui confirment ainsi, alors c'est une info à la base de l'équipe, le milieu défensif croate de l'Adjoukt Split, Club Ajuk Split, oui. Club croate. Récupérateur de 21 ans qui a confirmé, alors qui aurait confirmé à Gol qu'il rejoignait le FCGB. Et apparemment, de ce que tu m'as montré, Enzo, il y a à peine 3 minutes, il aurait annoncé lui-même d'un. Il a déclaré, mais après, c'est Gol qui a repris, Gol France qui a déclaré : je ne peux pas parler des détails, je ne peux pas confirmer que je suis parti de Split pour Zagreb et que je vais signer un contrat de Bordeaux ce soir. Donc, alors, il y a quand même des nuances, puisque toujours pour le compte de l'équipe. Le club des Girondins n'a pas nié la possible venue de Bazic. Un accord autour d'une indemnité de 3,5 millions, donc ça va, c'est honnête, a été évoqué, mais au sein du club bordelais, on assure lundi que l'opération n'était pas encore bouclée. C'est Emery Ten qu'on a eu, qui suit les Girondins pour l'équipe et qu'on a eu en direct dans cette émission vendredi dernier, ou lundi d'avant, je ne sais plus, qui nous donne cette information. Bon, les gars, il y a de. Ça semble plutôt bien barré, sachant qu'en début de journée, Stéphane Martin a annoncé vouloir un avant-centre et un numéro 6 en priorité. Bon, ben, j'ai envie de dire, le numéro 6, ça a l'air d'être ça a l'air d'être bien parti. De toute façon, il aura 3 semaines pour trouver un attaquant. De toute façon, il avait dit qu'ils ont 2 recrues sûres et une troisième qui va être un peu plus compliquée à avoir. Donc, alors, c'est pareil, on va pas se mentir, ce joueur... alors la Juke Split, ça parle, je pense à tout, enfin moi du moins ça me parle, après le plus jeune je sais pas, mais Split c'est quand même le gros club croate, donc ça parle. Il y a Zagreb, hein. Il y a Zagreb aussi avec le Dynamo, mais c'est les deux, voilà, c'est les deux gros clubs qui parlent en Croatie. 21 ans, c'est très jeune. Il est en contrat quand même jusqu'en 2020 avec son club, donc il y a deux saisons à racheter. Il rentre dans le cadre de ce qu'avait défini le club en termes de mercato, c'est-à-dire jeune, avec un possible potentiel. Avec, potentiel de vente. Moi, il y a un truc qui me. Alors, jeune, c'est bien, mais ça fait déjà 2 jeunes. Si on prend Pedro, ça fera 3 jeunes. Sachant que tu regardes. Parce que ça fait pas beaucoup trop de jeunes au bout d'un moment. Moi, je veux bien la politique de Monaco, mais franchement, moi, ce genre de politique, ça me plaît pas du tout. Le problème, c'est que tu n'as pas aller en Europa League avec des matchs de 20 matchs. Tu n'as pas les sous pour avoir une équipe de qualité et expérimentée. Non, mais me dis pas qu'à 3,5 millions, tu peux pas trouver un joueur de Ligue 1 dans les 25 ans qui peut être à 3,5 millions, tu as un joueur moyen de Ligue 1 que si tu le recrutes, tu vas encore râler pendant 3 plombs parce que ce sera un joueur pour jouer milieu de tableau. Donc, un bon joueur capable d'amener Bordeaux dans les 5-6 premiers en termes de joueurs d'expérience, ça coûte très cher. Des joueurs d'expérience, tu en as, ça dépend juste comment tu veux consolider ton équipe. Aujourd'hui, Bordeaux va plutôt avoir des joueurs jeunes en attaque, puisque c'est là où on va faire les meilleures plus-values, et des joueurs d'expérience plutôt derrière. Derrière, que tu prennes Pungé, je suis pas forcément fan, mais qui commence à avoir quand même de la bouteille en Ligue 1. Sabali, il a la bouteille en Ligue 1. Pablo a quand même plusieurs matchs d'expérience. Plazil, c'est pareil. Sankaré, c'est pareil. Le Rager commence quelqu'un d'expérimenté. Donc, sur une équipe, déjà, de titulaires, je t'ai cité que des joueurs d'expérience. C'est-à-dire, je t'ai pas cité ton gardien. Donc, un gardien, 3 défenseurs, 3 milieux. Ce qui fait déjà 7 joueurs sur 11. C'est-à-dire quoi? 4 jeunes sur la pelouse? Eh ben, je trouve pas le ratio si dégueulasse que ça. Dans le reste de ton groupe, t'as quand même des joueurs aussi d'expérience, que ce soit les choux que tu as prolongé et que tu as aussi prolongé pour l'apport qu'il avait dans le vestiaire. Ceux qui disent que ça sert à rien ont juste à re-regarder l'équipe de France. Tu as d'autres joueurs, t'as Depréville qui est expérimenté. Je pense que si Depréville devenait à partir, il serait remplacé par un joueur d'expérience, pas forcément un cador, mais un joueur d'expérience. Donc tu en as quand même des joueurs d'expérience. Après, sur les ailes, ben il te faut aussi des joueurs qui fassent rêver, des joueurs qui fassent vendre, des joueurs qui te permettent aussi de promouvoir le club. Et c'est pas avec des Plazil Costil que tu arrives réellement à pouvoir ton club, c'est plutôt avec des Malcolm. Rémi, c'est comme sur ça, mais c'est notre ami croate Bazic, tu bon alors évidemment même remarque que pour Kalou, hein, on l'a jamais vu et puis on sait pas ce qu'il vaut. Mais sur le principe, un jeune encore qui arrive. Après, il va falloir se faire une place au milieu. Oui, ça serait. J'ai pensé à ça. Pour l'instant, il n'y a pas de départ, donc ça va être costaud quand même. Bon, on verra, pourquoi pas. Après, si c'est un plan à l'AS Monaco, pourquoi pas. Non, mais on verra. T'as Sankaré, t'as Sankaré, t'as Otavio, t'as Le Rager, t'as Plazil, t'as Vada. Après, en vrai, 6, t'as que Otavio et Plazil. Du coup, il y a déjà lesquels postes déjà 6 milieu défensif. Non, il a annoncé comme 6. Okay. Il Tu m'annonces Plasil comme 6, qui est pas vraiment son poste, oui, même si pas... avec l'âge il descend de plus en plus. Pour moi, Plasil peut à peu près jouer partout dans ce triangle parce à 3, que... même s'il a plus de mal maintenant à jouer en tant que relayeur, à faire tout le match. Après, Otavio, j'ai pas l'impression qu'on compte beaucoup sur lui non plus. Tout comme les Vada, comme les Laborde. Donc, il y a une vraie question à se poser en arrivant à cette fin de mercato quand nous on aura fini le recrutement prioritaire, c'est-à-dire à savoir un 9, le remplacement de Holcomb, c'est bon, et le 6, c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait du reste du groupe, parce qu'il va falloir dégraisser ce groupe qui est quand même très important, et qu'est-ce qu'on va faire des joueurs où le prêt ne sera plus une solution et où les demandes n'affluent pas, parce que je sais plus où alors j'ai lu, mais que par exemple Cafu, t'es plutôt prêt de le prêter que de le vendre parce que t'as personne qui en veut. Alors j'allais y venir. Enzo, tu me diras, je me rappelle plus quand c'est que t'avais fait un sondage sur le maintenant tout de suite. Alors vas-y, dis-nous le résultat. T'avais fait un petit sondage Twitter pour. Eh oui, le temps que tu le trouves. C'est pas ça. Mais bon, c'est pas grave. Alors on passe. Sinon, vite fait sur le mercato, sur notre milieu. Au milieu, on n'a pas de jeunes, on a Tchouaméni. Otavio, qui est jeune en Ligue 1, mais il a quand même fait quelques matchs avant. Voilà, on a Tchouaméni et donc un nouveau profil qui serait Bazic. C'est très intéressant d'avoir ça. 3,5 millions, c'est le prix qu'on a payé. Pour moi, c'est pas cher. S'il peut déjà... Déjà, même s'il y en a, et encore, je sais plus si maintenant on se pose des questions sur les ragueurs. Mais si déjà il peut avoir le minimum de son rendement au niveau de l'impact et tout ça, ça peut être déjà très intéressant. Alors, moi, juste pour revenir, avoir le même tempérament et qu'en plus le ballon c'est son ami, oui, ça peut faire un très bon joueur. Parce que le ragueur, ça pourrait être un super joueur si le ballon était son meilleur ami. Il reste 10 minutes, on va terminer sur les. Alors, parce que tu te parlais, c'est vrai, il y a quand même moins. Sur le loft. Moi, il y a quand même un truc qui me dérange. C'est que fin de saison dernière, Poyet nous dit qu'il mise sur un effectif de 25-26 joueurs pour l'année prochaine. Ok, très bien, bon, pourquoi pas. Sauf qu'à l'heure actuelle, nous ne comptons que Contento 1, Malcolm 2, qui est parti aussi cette année. Là-dessus, je vais te couper, non pas parce que j'ai pas envie de t'entendre parler, mais parce que cette analyse, je l'ai faite. Sur les réseaux sociaux, je l'ai fait, cette remarque. Je me suis fait remballer dans mes semaines en disant que non, il n'avait pas dit ça, parce qu'après, il était intervenu. Et en effet, il est intervenu après la qualification de pour la Coupe d'Europe. Okay. Il a dit qu'un effectif de 25, c'était un petit peu juste. Mais quand même. Donc, on va pas viser le 25. La question, la question, c'est pas à 25, mais alors, quand tu vois les prieurs, tu vois les cafous, c'est surtout que tu viens de faire signer Ben Raoult, Poussin, Tchouaméni, Diarra aussi, Ibrahim Diarra, les deux, comment il s'appelle le jeune Youssouf là, Karik, mais non, quoi, Zaïdou, Karik, t'as fait signer presque toute, t'as fait signer une dizaine de joueurs, je crois 8, t'en as 8 en tout, c'est la première fois qui intègre le groupe pro, plus les 30 qu'il y avait déjà. Plus les, allez, moins les 4 qui sont partis, plus les 3 qui vont arriver. Enfin, bon, ok. C'est la première fois de l'histoire de Bordeaux. J'espère qu'on va dégraisser parce que ça semble une usine à gaz. Après, il y a beaucoup de joueurs qui ont été signés mais qui joueront en CFA cette année. Et tu sais aussi, tu les signes pour te protéger, pour pas que quelqu'un arrive en cours de saison et te le prenne. Ouais. Ensuite, il y a des joueurs où tu vas les prêter en fin de mercato. Parce que aujourd'hui, par exemple, le cas de Bordeaux, on préférerait acheter un joueur que de s'en faire prêter un. Maintenant, si tu ne trouves pas ce qu'il faut à ton poste, tu vas te rabattre sur des prêts. Donc, où il y a même des joueurs, des fois, que tu essayes d'avoir en transfert et que tu ne veux, que le club préférerait prêter, tu joues la montre jusqu'à fin de mercato et à la fin, tu l'as en prêt. Donc, parmi les jeunes bordelais, il y a aussi ça. Il y a beaucoup de joueurs, on le fait régulièrement, on va les prêter. Pour parler de prêts, c'est une très bonne transition. Dans le petit point mercato effectué ce lundi midi en marge de la présentation de Kalou, Stéphane Martin, il a été questionné sur le cas de deux joueurs, qui sont un petit peu, c'est un petit peu compliqué pour eux, c'est Vukašin Jovanović et Jonathan Cafu. Il a eu la réponse, elle a été très simple. Il a dit les Girondins de Bordeaux n'ont pas reçu d'offre de transfert. Il n'y a eu que des propositions de prêt pour le moment. Donc, j'ai une question sur Cafu. Le mec de Fußballski tout à l'heure, il dit que son collègue savait qu'il était nul, tu vois. Et là, tu le recrutes. Il n'était pas extraordinaire. Et toi, ton club va le chercher. Tu vois, c'est la question que je me pose en fait. Où sont tes scouts? Oui, non, mais après, ça dépend. Chacun son avis. Ouais, mais après, Rémi, moi, Camano, je le trouve moyen, pour être gentil, très moyen. Ouais. Marc le trouve très bon. Moi, je trouve très bon. Enfin, efficace, je pense. Si Marc est président d'un club de football, il va l'acheter. Moi, non, je vais pas l'acheter. Attends, voilà. J'ai jamais dit qu'il était très bon. Non, j'ai dit qu'il était très efficace. Très efficace. Oui, c'est vrai. Alors, je le trouve bon. Je le trouve bon joueur de Ligue 1. Ah, mais ça. D'ailleurs, j'avais pas revu en vidéo le but qu'il marque contre Van Pils. Je l'avais vu que au stade. Il marque un très joli but contre Van Pils. Enfin, faut le mettre. La passe est juste magnifique. La passe est magnifique, mais enfin, faut le mettre quand même. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que moi, bon, bref. Donc, Cafu Jovanovic, ça serait, pour l'instant, ça serait plutôt des prêts pour eux. Ensuite, une offre a été repoussée par la direction des Girondins de Bordeaux. Une offre faite par le FC Séville pour Jules Koundé. Ça, c'est bien, ça. C'est Girondins Info, nous sortait ça il y a quelques semaines, et c'est l'équipe qui confirme. Alors, selon l'équipe, l'offre était de 10 millions et le club espagnol avait oralement exprimé la possibilité de monter jusqu'à 20. Mais la direction des Girondins, fidèle à ce qu'elle dit depuis un certain temps sur ses jeunes actuels par rapport auxquels elle fonde énormément d'espoir, a fermé la porte concernant Koundé, unanimement apprécié au club, et aussi concernant Zaïdou Youssouf, approche du FC Valence repoussé. Tchouaméni avait des pistes en Espagne, en Italie, ça a été aussi refusé. Donc voilà, Bordeaux veut garder ses jeunes et n'est pas prêt à les céder au plus offrant. Quand tu as une offre qui arrive de 20 millions pour ton défenseur central, oui, tu dois le laisser partir. Je suis d'accord. Non, pas forcément. Comment? Alors, tu peux avoir ce raisonnement-là, je suis d'accord. Après, il faut quand même arriver à le remplacer. Mais ça veut juste dire une chose, ça veut dire que ce joueur-là, tu peux le garder dans ton effectif, tu t'es pas planté. Il y a des fois des jeunes, tu sais, t'as des doutes, t'as des offres qui arrivent à 8, 9 comme millions. Oui. Tu sais, genre, c'est qui est parti là à Porto, qui avait signé, il avait une clause, intransférable. Ah, Sako, c'était le Sporting. Voilà. Sako, 40, ouais. Et ce joueur-là. Avec une clause à 40 millions. On l'avait pas vendu hyper cher. Mais, parce que quand le club n'est pas prêt à y mettre un prix de ouf, tu sais que c'est, voilà, ils y croient. Ils tentent le coup, voilà, ils explosent, on est bon. Mais là, dans ce cas-là, c'est plus qu'y croire. Quand on te dit qu'on peut monter jusqu'à 20 millions, c'est que réellement, eux pensent même plus tard le vendre. Donc, à nous d'être intelligents sur ces joueurs-là et à les garder, puisque notre objectif, c'est de les faire briller. Ce qui serait bien, c'est qu'ils brillent avec Bordeaux et qu'on arrive à les revendre, plutôt que les revendre et qu'ils les voient briller ailleurs. Typiquement, on va voir la Coupe d'Europe. Il est très important de faire des gros parcours en Coupe d'Europe, parce que si on avait fait un bon parcours l'année dernière, si on avait fait, je prends l'exemple juste de Marseille, qui n'est pas un parcours irréaliste, des fois, et que tu enchaînes les bonnes équipes et les bons tirages, Malcolm aurait suscité la volonté de plus de clubs parce qu'il aurait été plus visible sur la scène internationale. Ça, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte. Il est important que Bordeaux brille sur la scène internationale pour bien réussir à vendre ses joueurs derrière, ce qui nous fait défaut depuis quelques années. Mais il faut savoir, on dit Stéphane Martin a précisé que toute notre défense, alors tous les défenseurs, mais je pense que c'est la défense titulaire, ont eu des offres d'achat. Voilà. Et Pablo a longtemps été pressenti à Krasnodar. Pungé, et donc Pablo Pungé, Sabali et Koundé. Qui a été remplacé Sabali par. J'ai plus de mal quand tu laisses pas partir Pungé. Par qui a remplacé Sabali à Naples si c'est là, le français. C'est Malcu. Là, tu vois, ça me paraît plus bizarre. Dans un poste où on manque quand même de régularité, Pungé est quand même le spécialiste pour faire 6 bons mois et une année pourrie derrière, quoi. Donc là, par contre, quand tu as des joueurs que tu as vus depuis quelques années refuser des offres, là, ça me paraît plus compliqué. Un Pelnar qui a quand même eu sa chance, qu'on voit pas trop briller, l'offre, tu dois le vendre. Un Gagi qui a du mal à s'imposer, offre, tu dois le vendre. Ces joueurs-là, où c'est même pas leur rendre service que de les garder pour jouer remplaçant. C'est sur ça où il va falloir que le club comprenne que un titulaire, du moment qu'il peut être remplacé par une valeur ajoutée, doit être vendu. Un autre, non. Voilà. Par exemple, vendre un Plasil, pour moi, s'en séparer, ça serait une bêtise. Plus rien. Non, mais même si on te propose 3-4 millions, pour moi, c'est une bêtise. Tu remplaceras pas Plasil avec 3-4 millions. Donc là, il faut être intelligent. Pour moi, Pungé, et Pelnar et Gagic, par exemple, laisse-le partir. Même la Borde que j'adore, s'il y a une offre, laisse-le partir. Tu rends pas service au joueur. Et puis toi, ça te sert, au final, ça te sert à rien. L'entraîneur a pas l'air d'y compter. Mais alors, moi, il y a un truc. Alors, avant de parler du dernier, avant de parler de la dernière rumeur, entre guillemets, moi, il y a quand même un truc qui me désole un petit peu. C'est que j'ai l'impression que, avec Poyet, il y en a qui auront jamais leur chance. Jamais, jamais, jamais. Voilà, jamais. Je alors non, mais voilà, je pense qu'un garçon comme Paul Bayes, il restera 5 ans remplaçant, si pendant 5 ans Poyet est coach. Qu'un garçon comme Vada ou Laborde, ils n'auront pas plus de temps de jeu, juste parce que le mec a des certitudes et que. Mais non, mais il y a. Je sais pas. Il y a un truc qu'on voit alors pas. Alors que c'est des enfants du club et c'est quand même des mecs importants en termes de. C'est pas ça. Seb, déjà, tu adores Bayes. Mais pour moi, là, tu réfléchis mal. Si t'es à la place de Poyet, tu mets pas Bayes sur la pelouse. Jamais. Tu mets jamais Bayes sur la pelouse. Tu vas laisser ta charnière qui, pendant 6 mois, a fait ce que les 6 mois d'avant, Bordeaux n'a pas été capable. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est pourquoi Vada et Laborde ne jouent pas. J'adore ces deux joueurs, mais ils ont eu du mal à s'imposer avec les coachs passés. Que ça soit Sagnol ou Gouvenec, les deux ont du mal à s'imposer. Et avec le troisième, c'est pas forcément peut-être la faute que de l'entraîneur. Peut-être que les joueurs aussi ne font pas ce qu'il faut à l'entraînement pour passer. Donc, tu aussi. Vas pas remettre en cause ta défense centrale qui marche très très bien depuis 6 mois. Alors que quand Bayes a joué, je vous rappelle que quand Bayes a joué. Il a joué 2 matchs, on était en plein marasme. Quand Bayes a joué. Arrête Marc. Laisse-moi finir. Quand Bayes a joué avant, il prend un rouge quand il faut pas. Il est pas bon derrière. Et ensuite, il est réintégré à l'équipe contre Monaco. Ce qui est faux puisque contre 3, il a fait un très bon match. On l'a gagné à l'extérieur. Laisse-moi finir. Bah, il est réintégré. Il a pas fait un très bon match. Il a fait un bon match contre une équipe de 3 qui a pas dépassé une médiane. Et contre Monaco, où le coach s'est dit bah, c'est peut-être le moment de relancer les deux qui ont l'expérience, parce que je pense que Pungé a pas les épaules, que Koundé a pas les épaules, tu t'es aperçu que Koundé manquait, et que Koundé avec Pablo, c'est ce qui marche le mieux. Donc tu ne peux pas les sortir. Ensuite, est-ce que Bayes a le bon comportement à l'entraînement? Je dis pas oui, ça, je dis pas non, pas. On sait pas. Mais peut-être que l'entraîneur voit aussi des choses qui l'incitent à faire un choix. Comment il se comporte avec le reste du groupe? Comment il se comporte avec le vestiaire? Tout ça, c'est des éléments qu'on si ne maîtrise pas et qu'on ne peut pas prendre en compte. L'interrogation, si je dis, il joue pas la board. Bon, c'était juste une parenthèse comme mais ça. Parce que, voilà. Ça, c'est vrai, ce que dit Adrien est très juste. Quand on voit le match, les 60 minutes de Depréville, au match retour, si Laborde ne joue pas, soit il fait pas du tout ce qu'il faut à l'entraînement et il faut une énorme remise en question, soit en effet il y a quelque chose qui se passe pas avec le coach, le coach aime pas le profil, etc. Parce qu'il faut pas rêver, tu peux pas avoir le procès d'intention que tu fais à Poyet en disant ouais il y a des joueurs, t'as l'impression qu'il comptera jamais, alors que si toi t'étais coach, tu mettrais Camano sur le banc en permanence. Pour terminer, ce qui est vrai. Pour terminer, oui. Tout donc, à fait. Voilà. Pour refermer cette petite parenthèse, la dernière rumeur donc pour terminer l'émission, c'est Pedro, le buteur brésilien de Fluminense. Une offre à 2 chiffres aurait été transmise par les Girondins de Bordeaux. Une offre à hauteur de 13,5 millions avec pourcentage à la revente aurait été transmise donc à Fluminense. C'est une piste qui avait été un petit peu refroidie il y a 2-3 jours, puis là c'est en train de se réchauffer un petit peu. Il a marqué cette nuit en championnat. Il est meilleur buteur Pedro, du championnat. Meilleur buteur du championnat. Le problème, c'est que ce serait bien qu'il s'arrête de marquer, histoire qu'il n'attire pas les yeux sur lui. Voilà, parce que c'est là. Ça. C'est pour ça que c'est compliqué. Son club espère désormais 20 millions alors qu'ils en espéraient 12 il y a quelques jours. Toutefois, l'écart entre la somme attendue et celle proposée par les Girondins laisserait les dirigeants du club optimistes sur le dossier, selon le même média qui a annoncé la venue de Bazic, c'est-à-dire Gol. Précision aussi que les agents de Pedro voient plutôt d'un bon œil que leur poulain vienne à Bordeaux pour faire un peu comme Malcolm, grandir, exploser et partir ailleurs. Et pour terminer sur le dossier Pedro, Enzo... Adrien Mathieu aussi de chez Gol qui vient d'annoncer, là, qui vient d'une petite précision, il y a Bordeaux qui travaille pour acquérir 100% des droits de Pedro. Comme pour parce Malcolm. Que son club, il en détient que 50%. Et le marché appartient à ses représentants au Brésil. Donc faire à peu près la même opération avec lui qu'on a fait avec Malcolm. C'est-à-dire certes c'est le payer peut-être un peu cher au départ, tout cumulé, genre 15 patates comme Malcolm, mais le revendre. Après, quand on voit toutes les équipes qui sont dessus, oui, voilà. C'est pas une erreur de parcours, c'est une erreur de recrue, tu penses. Quand il y a plusieurs clubs qui ont été cités, des gros clubs espagnols, voilà. Donc quand ces clubs-là se positionnent, tu sais que tu te plantes pas. Après, c'est maintenant qu'on va voir. Réellement quels sont les reins et quelle est la solidité des Américains. Si vraiment ils sont venus, comme ils le disent, faire du business, ok, montrez-le nous. Montrez-nous, faites du business. C'est là qu'il faut. Mettez les 13-15 millions qu'il faut pour le prendre. Faites en sorte de le prendre. Après, c'est pas parce qu'on l'aura pas qu'ils auront pas fait le boulot. Ça se trouve, on aura fait des meilleurs offres. Ah, et puis, si le joueur va aller ailleurs, voilà. Il va aller ailleurs. Après, c'est Fluminense, il me semble qu'on en avait déjà parlé l'année dernière, quand on parlait de Arena ou je sais pas trop quoi. Arena, je peux... Arena. Arena. Voilà, mais Fluminense, je crois qu'ils ont aussi des difficultés financières. Donc, tous les clubs brésiliens. Oui, comme à peu près tous les clubs brésiliens. Donc, soyons pas bêtes, jouons aussi là-dessus. C'est plutôt les agents. Si les agents veulent que le joueur parte, parce que c'est un peu et comme puis, ça. Et il y a, t'as l'exemple Malcolm. Tu peux lui dire, regarde ton collègue, il est venu chez nous il y a 2 ans, ça, 3 ans, et là il est au Barça. Donc, on sait que il faut plus avoir l'accord des agents que l'accord du club. On le sait. Faisons le taf. Faisons le taf. Il faut laisser le club travailler. Il faut pas que d'autres agents qui gravitent autour du club viennent mettre leur merde, parce que ça, à Bordeaux, on est spécialiste pour. Ce qui est arrivé à la Roma peut nous arriver à nous aussi. Voilà. Voilà, c'est ça. Ne nous mettons pas en difficulté. Je sais pas qui gère ce jeu aussi en interne, vu que c'est une piste brésilienne. Je pense qu'on est plutôt du côté Camporo. Donc laissons Camporo gérer ce dossier. Ne mettons pas d'autres agents ou d'autres interlocuteurs sur le club et dans cette transaction. Et après, il y a pas de. Ben on verra. C'est comme les deux autres joueurs dont on a parlé. C'est ça. Personne ne les connaît. Lui aussi. Lui au moins, on sait que bon, voilà, il marque dans le championnat brésilien. Alors vous allez me dire, David et André étaient meilleurs buteurs du championnat brésilien. C'est ça. Et quand tu regardes les vidéos des buts, tu te dis, mon Dieu, la défense. Ouais. Oui, bah c'est surtout que oui. C'est pas les mêmes défenses en Ligue 1. Il y a pas 10 mètres d'écart. Les Brésiliens, c'est pas les rois de la défense, c'est clair. Voilà. Il y a Chris 33 nous dit GACP doit frapper fort et vite sur Pedro. C'est vrai que c'est alors, clair que ça montrerait vraiment ça peut, une ambition énorme. T'arrives en France. On va pas se mentir, il y a tout le monde qui les regarde. Je ne peux pas croire. Alors je parle pas de Paris et Monaco parce qu'ils sont dans une autre sphère. Aussi, je pense que Lyon et Marseille, ils doivent peut-être quand même se dire attention. Ouais. Est-ce que ceux-là ils vont pas venir nous bouffer un peu sur la tronche, tu vois? Donc si tu veux peut-être frapper fort d'entrée et dire ok, on a le c'est ce qu'a fait Macourt à Marseille. Macourt il arrive, mais alors certes c'était une somme totalement astronomique pour ce joueur, mais il met 40 millions sur Payet. Boum, le gars il arrive, bing, tu vois. Ne cherchons pas cette année à rivaliser la 3ème place et 4ème place. Non, mais juste montrer que. Et si on progressait d'une case, du 5ème, et de faire un parcours en Coupe d'Europe. Ne rêvons pas. On ne progressera qu'en passant par l'Europa League. Ce n'est pas par notre championnat qu'on progressera. Oui, non, je suis sûr. C'est pas en ayant la Ligue des Champions une fois tous les 10 ans qu'on progressera. Il faut être régulièrement en Europa League et surtout régulièrement, il faut atteindre l'écart. Il faut se montrer sur le devant de la scène. Il faut exposer nos joueurs pour réussir à mieux les vendre, pour en acheter d'autres, faire d'autres plus-values, faire grandir le club, le faire progresser. On ne passera que par ça. La Coupe d'Europe est primordial. Il ne faut surtout pas se rater. C'est pour ça que les 4 matchs qu'on a là, il y a les 2, il faut passer absolument et passer le tour d'après, parce qu'on en est dans l'obligation si on veut pas couler. C'est ça, en revenir à ce qu'a dit Martin tout à l'heure en conférence de presse, il a dit que maintenant, une qualification c'est primordial et qu'avec les droits TV qui augmentent énormément, on est obligé Game de... Over. Voilà, on est obligé de... non mais vas-y termine. Non mais voilà, mais on est obligé de se qualifier. Maintenant il y a plus le choix, il y a tellement de fossé énorme. Là ça fait rire que lui. Oui, allez vas-y termine. Ouais, voilà c'était tout. Ah bah non mais j'ai les mains. Rien compris parce que si tu veux c'est pas audible et qu'il nous il fait le con à la table alors qu'on voit tous terminer à l'heure et qu'on fait chez les auditeurs. Maintenant la différence entre les équipes qui sont en Coupe d'Europe et celles qui sont pas en Coupe d'Europe, c'est à l'époque, enfin jusqu'à présent c'était pas énorme la différence. Et maintenant, elle va devenir de plus en plus grosse et on n'a plus le choix. Si on veut essayer de rester sur le wagon de tête, il faut absolument avoir cette qualif Europe. Complètement. C'est l'objectif du mois d'août. En espérant qu'on y arrive. Messieurs, merci. On va terminer là-dessus. Vendredi, donc. Normalement, si tout va bien, on devrait avoir les UB en studio pour parler avec eux. Bah, évidemment, pour l'instant, de 7 recrues, parce qu'officiellement, il y en a toujours qu'une seule. De leur campagne. Avec un peu de chance, d'ici là, Basic aura signé. Pedro, je pense que ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Ça sera pas dans la. Je pense que ça peut être plus con. Malcolm, rappelez-vous, ça avait pris presque un mois l'histoire là, de racheter des droits, des pas droits, des machins. Je veux bien attendre un mois. Un an quand même, quasiment. Pour acheter ses droits. Parce que ça oui, pas c'est-à-dire qu'au début, voilà, oui, voilà, c'est ça. Il était déjà là, mais il y avait encore des discussions pour racheter l'intégralité de, je sais pas quoi. Bref, les fameux 15% ou 30%, là. Donc on parlera évidemment de tout ce qui concerne les ultras, c'est-à-dire la campagne d'abonnement, le stade, il y a des tifos en préparation, il y a plein de trucs, les affaires aussi un petit peu moins drôles d'IDS. la reprise. On parlera évidemment quand même parce qu'il y aura deux matchs. Il y aura eu le match aller à Mariupol, donc on en parlera également. On parlera de Strasbourg également. On parlera de Paul Bayes. On n'a pas eu le temps de le faire ce soir, mais donc du coup, on se le cale pour vendredi. Vendredi, t'as les ultras, donc rêve pas tout ça. Non, mais on va pas faire une heure et demie avec les ultras quand même. Non, mais entre l'après-match, l'avant-match, les ultras, je pense que t'auras pillé. Hein. Bon, on verra. Au pire, on le fera lundi. Il y a noté aussi que Rico vient, sur Twitter, il est en train de parler. Ça fait bientôt, Géa va avoir 9 ans. Eh oui, on est d'accord. Bah on fera l'émission des 10 ans pour les 5 ans. Parce qu'on devait faire l'émission des 5 ans, on l'a jamais faite. Alors je pense qu'on va attendre les 15 ans pour faire celle des 10. Non, au moins les 10 ans. Ce sera pas mal. Ouais, au moins les 10 ans, ouais, ça serait bien. Voilà, messieurs, les phrases de fin. Adrien. Pour les Girondins, la meilleure solution en 8, c'est la solution basique. Alors là, il faut avoir fait S, faut penser chimie, faut. Oui. Voilà. Ah oui, basique. Donc il avait bien commencé l'émission et le terrain. C'est réfléchi, c'est profond. Oui. Enzo, toi, tu veux nous sortir quoi, toi? Einstein, non, Confucius? Non. Freud. J'ai pas fait, j'ai fait ES. Hein. Non, juste si Martin nous écoute, même si j'écoute, même si je crois pas, vire-moi Cafou, s'il te plaît. Alors moi j'ai fait S, mais c'était il y a trop longtemps, donc je me souviens plus de la blague. Et bienvenue à toi le nouveau, sois bon. Rémi, moi j'ai fait juste Bac Pro, donc c'est encore pire. Non mais moi je dirais par rapport à Madrid, je dirais liberté pour les supporters. Et oui, tout à fait. C'est vrai qu'on merci de le rappeler, mon petit. Bon, on en parlera vendredi. Voilà, pour ma part, ça sera comme d'habitude. Merci, Jean. C'est pour toi que tu joues, mais c'est Bordeaux, donc tu représentes. Merci aux gens du chat qui étaient présents ce soir. Il y avait du monde, donc merci à vous. Merci à Adrien de footballski.fr qui nous a présenté depuis l'Albanie. Ouais, on est désolé pour la qualité de la liaison, c'était un peu chaotique, mais c'était loin. Toi, tout nu pour. Mais c'était loin. Ah, c'est l'Albanie en même temps. Hein. Ça fait une nouvelle destination. On a eu les États-Unis, l'Albanie. Oh, on en a eu. Oui, on a eu. Si, on a eu l'Argentine aussi avec Cavenaghi. Rappelez-vous quand il y avait les ultras. L'Angleterre avec moi. On a eu l'Angleterre avec toi. On a eu le Brésil avec Jussieu. On a eu plein. Donc merci à Adrien, merci à Eric aussi. Qu'on a eu dans cette émission. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à vous, messieurs. On se retrouve donc vendredi 20h, 21h30. RIG 90.7FM, RIGFM.fr. D'ici là, n'oubliez pas évidemment jeudi le match aller sur. Alors ça doit être sur RMC Sport, je suppose. Oui, toute la Coupe d'Europe est sur RMC. Alors rassurez-vous, W9 a encore des matchs d'Europa League hein, cette saison. Ah oui, mais ce sera pas nous. En poule aussi. Ça sera sûrement pas nous ce si on se qualifie parce que si à Marseille ou. Non. Ah, pas Lyon. Ouais, non, parce que Lyon, c'est avec des champions. C'est Rennes. Alors, je pense pas que Rennes, je pense que ce sera Marseille. Après, ça dépend hein, si tu vas plus loin que Marseille hein, dans ton parcours. Bah, tu seras sur W9, mais W9 a encore des matchs d'Europa League cette saison. Donc rassurez-vous, il y aura peut-être moyen de gratter un truc ou deux. Voilà, donc rendez-vous vendredi 20h, 21h30 sur RIG. D'ici là, on vous souhaite une bonne semaine et allez Bordeaux.